Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, une émission qui vous est présentée par Causons Pixel, le site qui a pour but de réfléchir sur le jeu vidéo et son industrie. Et aujourd'hui, on retrouve Vincent. Salut. Et Florian. Et salut. Très petite équipe aujourd'hui pour ce dilemme des détentes, ce dilemme des détentes numéro 4. Alors, avant de le commencer, on va faire un petit tour des sorties de Causons Pixel. Alors, en article, nous avons Virginia et Bound, ou comment raconter sans un mot, simplement par des gestes et la mise en scène ainsi que la musique. Alors, raconter par des gestes auxquels, globalement, nous pouvons ne pas prêter attention, et qui pourtant disent beaucoup. Et ces deux jeux sont aussi un moyen de faire allusion à la maturité du jeu vidéo. En effet, on aborde aussi la maturité du jeu dans cet article, mais c'est évidemment principalement cet empire des signes que nous proposent Virginia et Bound pour raconter leur histoire, pour nous faire vivre une histoire, nous forcer à interpréter et à suivre nos personnages. En vidéo, nous avons Shoji Meguro, Persona 5, la musique qui vole votre cœur. Donc une vidéo qui analyse le style musical du compositeur de Persona 5 tout en le présentant. On regarde dans quel genre musical se situe et on essaye de voir pourquoi, grâce à lui, Persona 5 est une réussite musicale sur tous les points. Et bien, pour voir ça, rendez-vous directement donc sur YouTube ou alors directement sur le site de Causons Pixel pour ne louper aucune sortie, tant en article qu'en podcast et qu'en vidéo. Alors on va commencer ce dilemme des détentes par notre petit point littérature. Et alors messieurs, je vais commencer avec Isaac Asimov et le cycle de Fondation. Isaac Asimov, c'est une figure de proue de la science-fiction qui est connue grâce à ses cycles. On a le cycle des robots, dont le film iRobot d'ailleurs s'en inspire. On a le cycle de l'Empire et le cycle de Fondation qui sont des sagas majeures de la science-fiction. Et d'ailleurs, ces trois cycles sont dans la même continuité à quelques milliers d'années d'intervalle à chaque fois. Mais ça fait partie du même univers que Isaac Asimov a bâti. Ce qui nous intéresse, c'est Fondation, le premier tome et un peu le deuxième. Comme le premier, en fait, ça remonte à un moment. Mais qu'est-ce que ça raconte? Vous allez avoir d'ailleurs une série par Apple TV, Fondation. Et qu'est-ce que ça raconte? En gros, le professeur Harry Seldon, grâce à une science mêlant histoire, sociologie et psychologie, est en train, grosso modo, de prédire les grands bouleversements de la galaxie, notamment la chute de l'Empire humain qui domine entièrement la galaxie. Et pour avoir fait l'affront de dire que cet empire tout-puissant allait tomber, le voilà exilé sur une planète en bordure de la galaxie avec de très nombreux scientifiques. Ceux-ci vont avoir la lourde tâche de survivre à l'Empire, de survivre dans un temps sur une planète sans ressources et dans une galaxie dont l'autorité de l'Empire, donc ce qui tient les planètes entre elles, cette autorité-là s'effondre. Et franchement, c'est vraiment un réel plaisir. Le premier tome, je l'ai lu comme un livre normal, mais le deuxième tome, je l'ai vraiment avalé, je crois, en très très peu de temps, je l'ai lu. Mais pourquoi ces livres sont intéressants? Alors déjà, c'est des livres qui ne sont pas dénués de quelque peu de philosophie, notamment sur la chute d'un empire, sur sa déchéance, dont les explications, en fait, plutôt que d'en faire un chapitre entier sur pourquoi ça va tomber, bien qu'on a Harry Seldon qui, à un moment, les liste, en fait, il a réussi la chose de faire vivre toute cette chute qui va prendre du temps. Comme, par exemple, si vous étudiez la chute de l'Empire romain, à l'école, on vous dit c'est les invasions barbares, mais pourtant, quand vous lisez des historiens qui détaillent un peu plus, on sait que la chute de l'Empire romain a pris de très, très, très nombreuses années, ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, quand on lit Fondation, quand on lit cette chute de l'Empire, on a vraiment cette impression de vivre la chute de l'Empire romain sur des centaines d'années. Il y a vraiment une ambiance très particulière à voir un empire tout puissant, en plus surtout si certains d'entre vous ont commencé le cycle Empire. On a vraiment une impression étrange de voir cet empire-là tomber petit à petit entre les pages, entre les chapitres. Soudainement, on a un personnage qui va nous dire « Ah, au fait, telle planète a déclaré son indépendance ». Ah bon? Mais l'Empire n'est plus là, et non, l'Empire a reculé, etc. Donc les explications parsèment les livres, on a, entre explications, on a évidemment la corruption, la paresse intellectuelle, on a d'ailleurs le premier tome, un passage assez fameux dessus, sur le fait qu'il y a un intellectuel de l'Empire qui dit « Oh, mais aller chercher la Terre de moi-même, mais pourquoi faire ?» Parce qu'en fait, Parce qu'en fait, en gros, l'Empire, et c'est des milliers d'années après nous, s'est tellement développé dans la galaxie que la Terre a été perdue de vue. Plus personne ne sait où est la Terre, c'est une espèce de légende, c'est un mythe. Et on pointe du doigt le fait qu'il y a très peu d'explorateurs maintenant qui cherchent la Terre, et on fait « Ah ouais, mais parce que ça sert à rien, c'est mieux de se plonger. » Et puis c'est très bien, les choses sont très bien comme ça, donc on va pas bouger, voilà. Donc on a ce refus d'évoluer là, on a ce refus là, et évidemment, l'exil de personnes qui démontrent, qui prouvent que les choses vont s'effondrer. Bref, c'est très intéressant. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus attiré, c'est vraiment, ne serait-ce que dans le tome 1, en fait, c'est déjà très présent, bah, c'est forcément l'évolution de la Fondation. Cette planète bâtie par les scientifiques, on est vraiment porté avec brio dans les crises qu'ils subissent et que Harry Seldon avait prévu à chaque fois. En fait, la Fondation, en gros, Harry Seldon a prévu les différentes crises qui vont la frapper avec un certain pourcentage de chance ou de réussite. Enfin, de réussite ou d'échec. Et à chaque fois, ça fait son effet. À chaque fois que la Fondation est, comment dire, confrontée à une crise, même si Harry Seldon l'a prévu, Asimov réussit le tour de force quand même de nous dire « Oui, mais la Fondation est quand même à deux doigts de s'effondrer, là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour surmonter cette crise ?» Qu'est-ce qui va se passer ? Et en sachant que la Fondation n'a aucune arme pour se défendre. En plus, c'est là où on voit comment... quand une science hyper développée... alors, je ne sais plus quelle citation... je l'ai entendu dans Civilization 4. Donc, je ne sais vraiment plus qui l'avait dit, mais c'était, en gros, une science qui est tellement développée, ça peut ressembler à de la magie. La magie, oui. Voilà. On voit dans la Fondation, grâce à des jeux politiques, que comment on cherche à tourner la technologie en une sorte de magie, voire de religion. Et en fait... Asimov nous montre ces changements politiques-là sur la Fondation pour survivre aux crises et comment la Fondation, en fait, va construire une civilisation capable de supporter les crises. Et évidemment, le tome 2, alors ça, c'est le schéma typique du tome 1, mais le tome 2 a réussi le tour de force, lui, de surprendre le lecteur qui avait pourtant son schéma typique du tome 1, qui s'est dit, bah tiens, le tome 2, ça va être la même chose. Et bien, en fait, de casser soudainement tout ce qu'il avait construit, ou du moins de le métamorphoser. Donc à la fin du tome 2, on a une sacrée grosse surprise. Et si vous pensez que les titres des livres sont spoil, par exemple le troisième, si vous regardez le titre du troisième bouquin, je pense que vous êtes à des années-lumière de ce que vous imaginez à l'intérieur du bouquin. Donc ne vous fiez pas au titre, vous n'êtes pas spoilé par le titre, lisez. Donc bref, voilà aussi, on a aussi donc un univers qui est très cohérent, qui offre son lot de frissons, donc cette chute de l'Empire, en plus ça se lit très facilement, c'est très fluide, on s'ennuie pas en tout cas, moi je me suis pas ennuyé, alors j'ai croisé une fois un lecteur qui avait dit qu'il s'était ennuyé parce qu'il lui il avait besoin de beaucoup d'action, je sais, on n'a pas pu développer ce qu'il entendait par beaucoup d'action, mais je trouve que Fondation en a déjà pas mal, à travers toutes les guerres que subissent la Fondation ou les tensions politiques. Donc franchement, Isaac Asimov, pour moi, là je suis en train de lire le tome 3, que je ne le dévore pas, je suis en train de l'avaler, de le gober. C'est vraiment un auteur qui n'a pas volé sa réputation, très clairement. Il mérite entièrement sa réputation de figure de proue de la science-fiction. Et en plus, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Apple TV va sortir une série Fondation. Dont la bande-annonce est très impressionnante. Ça m'a donné envie de la voir, mais je vais d'abord finir la saga en livre avant de regarder cette série. Et bref, je vous recommande vivement en fait, le cycle de Fondation. Donc je reste un peu évasif, mais bon voilà, c'est les quelques points moi qui m'ont attiré, et j'y reviendrai très sûrement quand j'aurai terminé le cycle. Mais du coup, ça doit être singulier quand même de lire, enfin de découvrir en tout cas, ou de relire Fondation dans notre contexte actuel, parce que finalement... On vit un peu ce qui se passe en Fondation. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu le boom un petit peu de la collapsologie, avec pas mal de chercheurs, de penseurs qui essayent d'agréger plusieurs disciplines scientifiques et qui essayent d'avoir une vision globale par rapport à la tournure des événements, et ils théorisent le fameux effondrement. Et on voit que voilà, les réactions sont très disparates. Alors, ils ont quand même une voix, ils sont quand même écoutés, mais... Je serais curieux de voir si ce qui se passe pour ce personnage-là, pour cet historien-là, ce psycho-historien, je crois d'ailleurs. Ouais, la psycho-histoire qui est en fait une science qui mêle la sociologie, la psychologie et grands mouvements historiques. Grâce à des calculs, on peut voir les prochains grands bouleversements avec un certain pourcentage de chance. Du coup, je serais curieux de savoir si on peut faire, jusqu'où on peut faire le parallèle entre ce que vit ce personnage-là et ce que vivent ces chercheurs-là, et quel impact a leur théorie aux chercheurs de la colossologie par rapport à la population globale. Parce que voilà, là, actuellement, on nous théorise un effondrement généralisé de l'économie, de l'espèce humaine, tout ça. Voilà. Est-ce que toi, si jamais tu es un peu au courant de la collapsologie, tout ça, est-ce que tu peux faire un parallèle? Est-ce que ça donne une couleur à ta lecture? Ou pas du tout? Ou c'est très différent? Alors, je suis pas au courant de la collapsologie, mais bon, je suis conscient des bouleversements et des problèmes climatiques, etc., et sociaux que l'on vit. Mais il y a un truc, mais ça m'avait déjà marqué en fait avec Harry Seldon dans le tome 1, donc celui qui a inventé la psychohistoire, où en fait il est conscient que son discours en fait ne servira à rien. Et pourtant, devant un empire, donc il pourrait très bien, si vous voulez, le guillotiner, le tuer là. Il y a un truc qui fait assez peur, c'est que, et en même temps quand on lit le livre et qu'on repense à ces événements-là, qui fait très peur, c'est qu'il explique froidement à l'Empire tout ce qui va se passer, et en détail. Il illustre à chaque fois son propos, il le démontre, et froidement devant l'Empire, devant l'Empereur, il dit, voilà exactement ce qui va se passer, il y a un taux de pourcentage de corruption qui est énorme, l'administration tellement... L'Empire se repose tellement sur ses lauriers, sait tellement à certaines choses, etc., que vous allez vous effondrer dans à peu près ce certain nombre d'années. Et quand on lit la suite des bouquins, notamment dans le tome 2, on a... Alors, je vous dis pas ce qui se passe sur un petit truc sur l'Empire, mais quand on arrive à ce passage-là, si vous faites le lien avec ce qui s'est passé, avec qui était l'Empire, comment on nous raconte sa puissance et sa gloire, et ce que disait Harry Seldon, ça fait vraiment bizarre de se dire bah en fait il avait raison et personne l'a écouté. Oui. Et on l'a même exilé, on lui a même dit barrez-vous loin, foutez-nous la paix. Après voilà, pour revenir, bon, sans aller jusqu'à la collapsologie, les experts du climat, tu vois, tous les chercheurs qui travaillent sur le climat, eux déjà annoncent beaucoup de conséquences hein, par rapport au dérèglement climatique, tout ça. Il y a demi-mot, ils annoncent quand même des grosses conséquences sur la civilisation humaine, et en partie, enfin pas que, hein, sur la civilisation humaine. Et pour revenir à ce que tu dis, en même temps, finalement, ce qu'il annonce, quand il va voir les dirigeants, tout ça, c'est donc la mort de l'Empire. Et pour travailler en soins palliatifs, quand une personne apprend que voilà, on ne peut plus la guérir, que probablement elle risque de mourir prochainement, c'est très rare que ce soit déjà entendu entièrement et accepté directement, en disant « Ah bon, ok, merci de m'avoir informé, voilà, j'accepte, tu vois, ce grand acte que d'accepter la mort et la personne est sereine, tout ça, ça en passe par tout un vécu qui est très différent pour chaque personne, mais généralement, une des premières défenses par rapport à l'annonce de ta mort prochaine, c'est souvent le déni. Tu vois. C'est de dire ça ne me concerne pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu vois. Après, tu peux essayer de négocier, de marchander un petit peu avec le destin ou avec Dieu ou ce genre de choses. Enfin, t'as plein de. Tu peux avoir la colère aussi. T'as plein comme ça de réactions, mais c'est très rarement entendu entièrement, accepté entièrement, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'ils réagissent comme ça, tu vois. Les gens qui sont un peu au pouvoir ou qui décident, ou quand même la population générale mette à l'écart cet homme-là, parce que c'est toujours difficile d'entendre que ton existence personnelle va s'arrêter, ou là, bon, ben ton organisation globale va s'arrêter, ça se fait jamais sans heurts, quoi. Et du coup, l'Empire agirait comme quelqu'un en soins palliatifs? Je sais pas, mais en tout cas, pour dire que pour les personnes individuelles, quand elles apprennent que la mort est une réalité prochaine, les médecins sont là, hein. Enfin, je veux dire, le discours rationnel, il est donné à la personne. Hein. On explique ce qui se passe dans leur corps. Et si la personne questionne, ben, le médecin est là pour répondre aux questions. Mais c'est très rare que voilà, ça passe comme ça et ça accepté d'affilée. Enfin, tu vois, il y a tellement d'émotions qui émergent, t'as de l'angoisse qui arrive, enfin, et tu te défends comme tu peux. Donc, la première défense, qui est souvent la plus radicale, c'est le déni. C'est-à-dire que tu mets tout ça au loin, tu dis, voilà, ce qui se passe, ça ne me concerne pas, et ça te permet un petit peu de souffler. Et après, petit à petit, tu peux essayer de l'entendre. Mais pareil, quand tu commences à l'entendre, ça ne se fait pas sans émotion, sans angoisse, et du coup, sans défense. C'est très rare, les personnes qui acceptent ça, et bon, ben ok, très bien. Ça me donne une autre grille de lecture, bah merci. Voilà, maintenant, bah, si vous voulez découvrir Fondation, vous avez une autre grille de lecture pour comprendre les agissements de l'Empire et la situation dans laquelle aussi se retrouve la Fondation. Donc voilà, merci Florian. Et... Oh, avec plaisir, avec plaisir. Et alors, pour la suite, pourquoi tu voulais nous parler de Tisseron du magazine SIC? Ouais. Dans le conducteur, il y avait encore là, ces deux choix. Ouais. Je vais peut-être essayer de parler un peu des deux rapidement. Des deux ? Essaierais-tu de m'arnaquer ? Ouais. je vais parler de Tisseron, et si je fais pas trop long, peut-être que je... Parce que c'est juste un petit commentaire sur le magazine SIC. Voilà. En tout cas, le bouquin que je voulais présenter de Tisseron, il s'appelle « Petit traité de cyberpsychologie » de Serge Tisseron, qui est un livre, alors à la fois, ça regroupe pas mal de concepts ou de théories qu'il a voilà, formulées tout au long de ses articles ou dans ses autres ouvrages. Là, on retrouve un peu ça sur les questions de la haute technologie, donc tout ce qui est le rapport aux machines, le rapport à l'IA, etc. Et en fait, lui, il s'intéresse, comme c'est un psychiatre, un petit peu sur le versant de la psychologie. Quel est ce rapport-là aux machines ? Donc, à la fois, ça brasse sa grande pensée par rapport à ce thème-là. Et à la fois, il y a aussi un côté un petit peu spéculatif. On essaye d'imaginer voilà, les robots, on arrive à avoir des robots autonomes, on peut dialoguer avec les IA. Qu'est-ce que ça pourrait amener comme nouvelle relation, peut-être comme nouvelle pathologie aussi, c'est une question qu'il pose. Et il essaye, et c'est ça qui m'a intéressé le plus, c'est de dire qu'il faut déjà se poser des questions éthiques par rapport à ces enjeux-là, pour bien le préparer et surtout pour bien l'inclure dans notre société, parce que bon, tu sens le lisant que ça va arriver hein, d'une manière ou d'une autre, a priori. Et par exemple, un des choix éthiques forts que Tisseron pose, c'est de dire qu'on ait des robots ou des IA qui permettent de favoriser la mise en relation d'un être humain avec un autre, pourquoi pas. Par contre, il faudrait qu'on s'arrête là, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on commence à remplacer une IA ou un robot dans les relations humaines. Tu vois, si jamais il y a entre deux humains, on en enlève un et on met un robot ou une IA entre les deux. Pour lui, si jamais on laisse aller la technologie, enfin, surtout si on installe la technologie à ce niveau-là, ça va être très très destructeur, de manière générale. Qu'est-ce qu'il tente d'anticiper ? Ben, comme dit, il essaye d'anticiper une société où on va vraiment installer des robots autonomes, que ce soit pour les tâches quotidiennes, voire peut-être dans le monde soignant. Tu vois, pour lui, par exemple, ce serait une grave erreur que de remplacer les soignants par des robots. Tu vois. Et ce qu'il disait, c'est qu'il faut qu'on garde, il faut que les humains aient le monopole de la relation sociale, que les machines puissent nous aider. C'est ce qui se passe un peu déjà maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, pourquoi pas. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on garde comme activité entre nous, parce que sinon, théoriquement, on pourrait en mettre un peu partout des robots, mais ça va pas se faire sans beaucoup de heures. Donc voilà, c'est très spéculatif, hein, parce que il essaye pas de, c'est pas un bouquin de science-fiction, tu vois, il essaye pas de raconter une histoire ou de dire il va se passer ça. C'est juste que il regarde ce qu'il y a actuellement, on fait comprendre qu'il a visité des labos de recherche dans la robotique, tout ça, donc il est un peu au courant des recherches actuelles. Il essaye d'anticiper un peu ce qui est possible, mais il essaye déjà de poser des questions. Il n'a pas vraiment de réponse, mais il dit voilà, il faut se poser ces questions-là pour que quand ça va se développer, qu'on sache comment bien l'organiser pour que ça puisse nous être utile et pas délétère. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, tu pourrais me dire, lisons de la science-fiction. Alors oui, on peut aussi le faire en lisant de la fiction, mais lui, il essaye d'avoir ce côté un peu plus universitaire, tu vois. Et en plus, comme je t'ai dit, la plus grosse partie du bouquin, c'est quand même un bon condensé de sa pensée à lui sur le rapport aux robots, aux IA, tout ça. Donc c'est, je trouve qu'il est intéressant. Il est pas très long en plus à lire. Il fait quoi, 200 et quelques pages, donc ça va. Est-ce que tu peux rappeler le nom du livre, s'il te plaît ? C'est Petit traité de cyberpsychologie. Pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'IA pour une lanterne. D'accord. Et est-ce qu'il pointe du doigt ou suppose pourquoi on cherche tant à faire rentrer l'intelligence artificielle, donc l'IA, dans notre quotidien ? Est-ce qu'il questionne ça aussi ou est-ce qu'il questionne de façon très différente ? Alors écoute, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais il me semble pas qu'il essaye de comprendre les motivations derrière. D'accord. Mais donc, j'ai peut-être oublié ce détail-là, hein, parce que je t'ai dit, ça fait un petit moment que je l'ai lu, quand même. Quoique, tu vois, là, je vois que dans les premiers chapitres, il parle de l'animisme, de l'anthropomorphisme. Donc peut-être qu'il doit parler quand même, il doit lancer des pistes, je pense. Ouais, je crois qu'il doit en parler, mais sous réserve, parce que là, mes souvenirs commencent à se perdre. En tout cas, voilà, c'est... Moi, je l'ai pris comme un livre qui lance des pistes et qui surtout te force à te poser des questions par rapport à ça. Et sur ça, je trouve qu'il fait assez bien de travailler. Allez, un peu de démocratie dans ce podcast. Vincent, votes-tu pour ou contre qu'il nous parle de ce magazine SICK ? Bon, moi, je veux bien. Bon, on peut profiter du fait qu'on soit pas nombreux parce que voilà, on était 5 à la limite peut-être. Mais allez, je lui donne ma voix pour. D'accord. Merci. La démocratie a parlé. Ouais, très rapidement, j'ai découvert là le mois dernier ce magazine qui se fait comme beaucoup de magazines financés de manière participative via KissKissBankBank. Et comme le dernier numéro en date était sur Metal Gear Solid, ça a forcément attiré mon attention. Et alors, ça se veut. En fait, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un gros dossier qui est dédié à une œuvre. Alors, ça parle de jeux vidéo, mais ils ont deux numéros qui parlent de cinéma. Enfin voilà, c'est la culture geek de manière générale. Et après, ils ont des articles sur des films. Ils essayent de tout réunir. Mais là où j'ai des réserves, c'est que finalement, ce dossier qui se veut un petit peu d'analyse, c'est un peu chiant à lire parce que par rapport à Kojima, tu as ce fameux discours Kojima, ce génie, Kojima qui a révolutionné le cinéma, et le ou les auteurs en font des caisses, tu vois. Et c'est complètement superfétatoire de faire ça parce que tout le temps que tu passes à dire que Kojima est un génie, tu ne passes pas à analyser. Et finalement, bon, l'analyse, ça reste très descriptif. T'as deux, trois anecdotes par-ci, par-là, que t'as peut-être loupées, qui sont bonnes à apprendre, mais ça reste plutôt en surface. C'est un peu ça qui m'a déçu. Je pense que pour une personne qui veut s'initier un petit peu à avoir un discours un peu sérieux sur le jeu vidéo, le cinéma, ça peut être peut-être une porte d'entrée, mais... c'est pas suffisant, enfin vraiment. T'as beaucoup de lieux communs. Enfin, si jamais tu t'es un peu renseigné sur l'œuvre, si jamais tu t'es un peu questionné sur l'œuvre, tu sais déjà ce que tu vas lire en fait dans ce magazine-là. Et vraiment à choisir, si jamais quelqu'un veut avoir des textes un petit peu plus, une réflexion plus intéressante, plus nouvelle sur le jeu vidéo, vaut mieux lire la revue Immersion. Clairement. Il n'y a pas photo. Après, ça reste assez technique, hein, parce que là, on est dans une approche universitaire. Mais un bouquin de SIRD fait mieux l'affaire qu'un magazine SICK. Enfin, en tout cas, les dossiers de SICK, par rapport aux dossiers de SICK, un bouquin de SIRD fait mieux l'affaire. Quoi. Après, chez SIRD, c'est disparate. Ça dépend des auteurs. Il y a des bouquins de SIRD qui sont finalement très descriptifs dans la partie analyse. Mais maintenant, à choisir, je chercherai un bouquin de SIRD plus qu'un magazine SICK. Il faut dire que les magazines SIRD sont quand même font partie du haut du panier la littérature jeux vidéo. Donc dire qu'on préfère un magazine SIRD, c'est pas forcément... Les livres. Les livres, c'est des livres, s'il te plaît. Livres, pardon, oui. Désolé. Mais, enfin, voilà, quoi. J'ai... Ça fait un moment qu'ils doivent exister, parce qu'ils ont pas mal de numéros. J'étais un peu déçu. Ouais. Je m'attendais à mieux. Bon, en même temps, je pense que le haut du panier reste la revue Immersion. Et c'est vrai que ça va être difficile de... Après, c'est peut-être pas dans leur objectif de détailler autant l'analyse vidéoludique. Non, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Je pose. Ben, je sais pas, moi. Moi, quand je l'ai découvert, ils te disent voilà, un gros dossier, ils se vantent de faire 80 pages sur Metal Gear Solid. On décortique, on analyse telle partie de l'œuvre. Donc, tu vois, moi, tu commences à me dire ça, ok, je te prends au sérieux, vas-y, mais finalement. À part dire que Kojima est un génie et qu'il a révolutionné le cinéma, tu vois, ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc, Kojima est un génie pour filmer une blague. Oui. Bah, alors, sachant que voilà, moi en plus, Metal Gear Solid est une œuvre importante pour moi, donc ça m'a flatté de lire ça. Tu vois, ça me faisait plaisir de lire ça, mais dans un texte d'analyse, j'en ai rien à foutre, tu vois, qu'on encense Kojima, je veux qu'on décortique son travail et qu'on dise ce qui fait de bien et ce qui fait de mal, parce que tout homme est faillible. Et là, c'est une petite parenthèse, mais Kojima a fait une petite blague pour annoncer la Director's Cut de Death Stranding et il faut quand même le dire, sa blague était nulle. On est d'accord qu'on parle de la scène où le personnage de Norman Reedus se met dans un carton. Ouais, c'est mais oui, ouais. Mais je veux dire, alors, pour te laisser supposer qu'il va rajouter en tout cas des intérieurs ou des phases d'infiltration, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans cette Director's Cut, il fait une référence à la saga Metal Gear. Pourquoi pas ? Mais tu vois, il aurait juste. La référence à la saga Metal Gear, c'est quand Norman se met dans le carton. Dans un carton. Oui, mais en fait, avant que tu aies cette scène avec le carton, tu as une musique qui fait très Metal Gear Solid et ça aurait suffi pour faire la référence. Mais là, enfin, putain, c'est long. Tu le vois sortir le carton, sortir les oranges. Alors, à ce qui paraît, c'est une référence, les oranges. Moi, j'ai pas la référence. Tu le vois sauter de manière. tu le vois sauter de manière ridicule dans ce carton. Enfin, vraiment, ça m'a pas fait rire. Surtout que ce genre de gag avait 15 000 façons de le filmer de manière plus efficace, plus courte aussi, parce qu'en plus c'est long et lent. T'avais des façons peut-être un peu plus cartoonesques ou même un peu plus sérieuses de le filmer de manière encore plus efficace. Parce que là, en fait, il regarde le carton, il enlève les oranges, il re-regarde le carton, il se met dans le carton, il fait nombre, je crois qu'il fait nombre la tête à un moment. Enfin, Il ressort du carton, ouais, c'est d'un lourd. Et le truc, donc, c'est que... Non. Vas-y, pardon, Flo, je t'ai coupé. Non, vas-y, termine. Non, mais je suppose que c'est ce que t'allais dire, c'est que le monde entier a encensé cette mise en scène, alors qu'elle est parfaitement ridicule et elle est mal branlée, elle est mal fichue. Non, mais l'unanimité veut te faire croire que c'est le trolling élevé au rang de génie. Et c'était le titre d'un article même, je crois. Ah, bah, ça m'étonne pas, tu vois. Mais je veux dire, pas du tout. Enfin... Ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus fine et surtout de manière beaucoup moins. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est appuyé, quoi. Tu vois, vraiment, il insiste. Et finalement, son annonce n'est qu'une référence à Metal Gear Solid, alors qu'on est censé parler de Death Stranding. Enfin, donc, j'ai beau adorer ce que fait Hideo Kojima. Faut oser aussi lui dire que quand il fait de la merde, il fait de la merde. Il faut pas l'encourager à faire des choses comme ça. Enfin, je veux pas qu'il s'abuse maintenant à faire des conneries et que il s'aperçoive que tout le monde l'adule. Enfin, il doit le savoir, ça, que tout le monde l'adule, mais dans quelle dérive on va tomber si on commence à l'encourager à faire ça, quoi. Non, ouais, non, c'était naze. Bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, dans le magazine, tu vois, il y a aucune nuance, quoi. Kojima le génie et tout ce qu'il a fait, c'est génial, et bref. Donc ouais, c'est ça se veut d'être de l'analyse, mais après, je reconnais que j'ai des exigences, hein, qui sont un peu hautes par rapport à cette approche-là du jeu vidéo. Pour moi, c'est insuffisant, c'est largement insuffisant. Mais pour quelqu'un qui est vraiment extérieur à ce discours-là sur le jeu vidéo, je pense que ça peut être un... Par contre, voilà, ça se lit facilement, rapidement, mais bon... préférer un livre sort d'édition, vraiment. Pour l'instant, Parce que ça coûte le même, ça coûte le même prix. Un peu moins cher, c'est dans les 15 euros le magazine. Alors que Third, on est plutôt dans les 20 et quelques. Mais bon, lisez les bouquins sur Kinamars de Jay. Et là, par contre, vous avez le meilleur du meilleur. Hein. Enfin, je veux dire, actuellement, pour lire pas mal de bouquins de Third Edition, Jay a tout tué. Hein. Vraiment. C'est. Et mais il va falloir en parler dans un DLMA des détentes, parce qu'il me semble que c'est pas la première fois que vous en parlez dans un DLMA des. Si. Ou alors je confonds avec No Off, mais dans ce cas, il va falloir en parler prochainement. Bon, bref, voilà. En tout cas, Sword reste une référence abordable en termes d'analyse, enfin voilà, à la fois d'anecdotes, de développement et à la fois d'analyse. Sword reste une valeur sûre. Voilà. Juste pour revenir brièvement sur le trailer de Metal Gear Batch, ouais, du coup, c'est con. C'est même pas une bande-annonce, hein, encore, c'est court-métrage, finalement. Parce que c'est. Enfin, si, on peut le considérer comme une bande-annonce, oui. Oui. Mm. Bon. Bon, pardon, excuse-moi, c'est moi qui suis chiant. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour revenir là-dessus, non, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais je pense que bande-annonce, tu vois, moi je l'emploie en termes génériques, donc ça comprend tout. Bref, non seulement on ne comprend rien de ce que sera finalement cette Director's Cut, mais en plus ça a même tendance à envoyer le mauvais signal parce que, comme on discutait brièvement off aussi, c'est une bande-annonce qui se déroule en intérieur avec, semble présenter une sorte de niveau d'infiltration, donc tout en intérieur, et c'est pas du tout l'esprit du jeu de base en fait. Donc il nous a habitués, hein, pour ceux qui n'y ont jamais joué, ouais. Qui ne voient pas ce que c'est, à arpenter une terre semblable à une sorte d'Islande en fait, et donc pas du tout pas du tout arpenter des endroits confinés, sombres et tout comme ça, quoi. Ouais. Bref. Ah, et d'ailleurs, je précise juste, parce que quand j'ai commandé le tome MGS, j'en ai acheté quelques-uns, autres, pas beaucoup, mais notamment le magazine SIC sur Akira, et c'est pareil, Akira, t'as le même discours. Complètement superfétatoire sur Otomo, ce génie qui a révolutionné le manga, tout ça. Et de ce qui est analysé, malheureusement pour le magazine, j'avais lu le livre Third quelques temps avant. Y a tout ce qu'il dit dans le magazine, tu le retrouves quasiment dans le bouquin, sans ce discours superfétatoire. Alors, le livre axe sur le fait que Akira était un moment dans l'histoire du manga, mais t'as pas ce ton-là. Voilà, je suis pas fait attendre. T'as pas l'humour aussi, ouais, ça aussi c'est un truc qui commence à me gonfler. Tu retrouves des traces de cet humour un peu de la presse, tu sais, qui se veut un peu irrévérencieux, tout ça. Enfin, moi ça me gonfle cet humour-là. C'est souvent. Enfin, ça me fait pas rire en tout cas. Et pareil, tu perds du temps quoi à faire ça. Et en plus, le bouquin de Sword va plus loin dans l'analyse, dans le contexte social, économique du Japon à l'époque. D'Otomo, où il a écrit Akira, enfin donc pareil, à choisir, vaut mieux lire le bouquin de Sword. Si jamais vous êtes curieux, si vous voulez appréhender le manga, le bouquin de Sword est beaucoup plus riche que le magazine. C'est pas le même nombre de pages non plus, j'imagine. Oui, mais bon, pour quelques poignées d'euros de plus, vaut mieux. Enfin, personnellement, je recommande le livre plus que le magazine. Donc, autrement dit, c'est pas le même nombre de pages, ce n'est pas le même prix, mais si ils sortent un numéro sur. On prend l'exemple d'Akira, autant, comme tu dis, prendre le bouquin de Sword qui est quelques euros plus cher, mais qui est beaucoup plus complet et qui a plus d'informations parce qu'il a plus de pages. Mais après, ça n'empêche pas aussi d'être pertinent sur un faible nombre de pages. Mais c'est ça. Et puis en plus, si jamais voilà, le prix est une barrière, Sword fait régulièrement des soldes et un livre comme Akira va être soldé à moins 50%, donc c'est quasiment le prix du magazine. Puisqu'il va tomber à 12 et quelques euros. Donc, alors, pour appuyer peut-être ce que voulait dire Vincent, c'est aussi, là, on compare un magazine et un livre. Mmh. Mais bon, tout à l'heure, tu as comparé SIC à Immersion. Ouais. Qui, Immersion aussi, ce sont des articles et qui sont très pertinents. Leurs articles sont, sont très, très bons. Très bien écrits aussi. Voilà, si on cherche un autre élément de comparaison, et là, oui, effectivement, Immersion va très loin dans l'analyse, dans l'interprétation aussi, parce qu'il faut interpréter plus que d'écrire. Oui, actuellement, c'est je pense, en termes de réflexion sur le jeu vidéo, c'est la revue la plus recommandable. La plus poussée. Et... Ouais. Après, je pense que le niveau équivalent, c'est aller lire des articles scientifiques directement. Mais bon, là, il faut fouiller dans les bases de données, il faut y avoir accès, parce que la recherche est privatisée. Donc, l'immersion et le chaînon juste en dessous, qui donne, c'est accessible à tout le monde. Au-dessus, c'est les articles scientifiques directement. Mais ouais, voilà, c'était juste un petit avis, si jamais vous l'aviez vu passer. Voilà à quoi s'attendre en lisant un magazine SIQ. D'accord, ben merci. Eh bien, merci à toi Florian. On va donc pouvoir passer aux séries que vous avez regardées, messieurs. Et Vincent, toi, je crois que tu veux nous parler des productions françaises. Ouais, en fait, j'adore les séries télé. C'est probablement ma deuxième passion la plus dévorante, donc après le jeu vidéo. Et j'ai regardé des séries vraiment de tous les pays, que ce soit états-uniennes, des séries états-uniennes, anglaises, israéliennes, australiennes, tout ce que tu veux. Mais je me suis jamais vraiment intéressé à nos productions locales, donc françaises. Jusqu'à cette année où je me suis dit, allez, quand même, on va pas... il est temps de se forcer un peu, de s'ouvrir à notre culture locale. Et donc, je me suis fait un run de séries françaises cette année. Et bah, je n'ai pas été déçu. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais été idiot de passer à côté toutes ces années. Dans le lot, j'en ai vu certaines qui m'ont moins plu que d'autres, mais c'est normal. Mais alors, j'en ai aussi découvertes qui font d'ores et déjà partie de mes séries préférées. Je vais brièvement vous en présenter trois, vraiment très brièvement. Il y en a une qui est assez atypique, qui s'appelle En Thérapie. Il est un remake d'une série israélienne, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Cette série israélienne a aussi eu droit à un remake américain, qui s'appelle In Treatment. Et donc, En Thérapie, mais c'est pas un remake, le remake français, c'est pas un bad remake où on reprend exactement les mêmes textes, les mêmes personnages, et juste on prend des acteurs français. C'est le genre de remake que proposent parfois les Américains. Alors, je sais c'est pas si... Betty Pool, voilà. Désolé pour l'accent, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça, Betty Pool. Ok. Je sais pas si vous le savez, mais parfois les Américains proposent des remakes qui sont donc exactement la même chose que la série d'origine, mais juste avec du coup des acteurs US. Là, on n'est pas du tout dans ce même délire. L'histoire se déroule en 2015, et donc les patients qui vont voir le psychologue ont souvent des histoires liées au traumatisme qu'a été le Bataclan. L'attentat du Bataclan. Et donc, ça donne une pertinence toute singulière à cette version française. Et alors, ne serait-ce que le concept, je ne sais pas si c'est exactement le même concept pour la version israélienne et la version américaine. En tout cas, la version française tire pleinement parti de son format épisodique, puisque la première saison... fait 35 épisodes, et le principe c'est que le seul personnage que l'on retrouve dans tous les épisodes, c'est le psy. Et donc, par exemple, le premier épisode commence le lundi, avec par exemple le lundi 1er mai, avec le patient du lundi. Le mardi, on est le mardi 2 mai avec un deuxième patient, mercredi 3 mai avec un troisième patient, etc. Et on retourne à l'épisode 6, au lundi suivant, où on retrouve le personnage, le patient du lundi en fait. Et donc on suit vraiment cette psychothérapie, où, presque en temps réel en quelque sorte, c'est l'effet voulu. Et c'est ultra efficace, c'est super bien écrit, c'est incroyablement joué, notamment Mélanie Thierry et le psy qui sont les acteurs que j'ai le plus, qui m'ont le plus impressionné toute la série. Et bon, voilà. Donc on a déjà cette série Arte qui m'a fait forte impression au début de mon run de série française. Elle est disponible sur YouTube en plus, je pense, non ? Ah, je sais pas du tout. Je crois qu'elle est facilement accessible, en tout cas. Il me semble que toutes les productions Arte sont retrouvables sur leur site gratuitement. D'accord. Mais okay. Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais ça ouais, elle est disponible sur YouTube. D'accord. Voilà, la deuxième série que j'ai... Alors là, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année jusqu'ici, ça s'appelle Hippocrate. C'est une série de Thomas Lilti, et donc comme son nom vous le laisse à penser, c'est une série dans le domaine médical. Et c'est particulièrement intéressant parce que Thomas Lilti, en fait, c'est un ancien médecin. Il s'est illustré avant cette série-là, il s'est illustré au cinéma avec un film qui s'appelait Hippocrate aussi, qui n'a a priori rien à voir avec la série. J'ai pas encore vu ces films, mais c'est vraiment les prochains que je vais voir. Voilà, il a fait première année sur les étudiants en médecine, ou les internes en première. Non, c'est les étudiants en médecine, il me semble. Je l'ai pas encore vu non plus. Hein. Et médecin de campagne, voilà, si à vous ça vous parle. En tout cas, bon, moi pour l'instant jusqu'ici je n'ai vu que la série, et ça se sent que ce mec a été médecin, parce que il y a une crédibilité dans chacun des épisodes, et pour le coup c'est même pas juste une impression que j'ai, moi qui bien évidemment pas étudié la médecine et qui l'ai encore moins pratiqué. Il y a eu des témoignages de gens qui sont dans ce milieu là qui disaient qu'en fait ils avaient l'impression, en regardant cette série, de regarder leur vie, quoi, de regarder leur vie au boulot. Et c'est particulièrement intéressant parce que, en fait, cette série s'intéresse surtout. Particulièrement intéressant, cette série s'intéresse, c'est moche. Cette série s'intéresse à l'hôpital public français, donc. Et on voit vraiment à quel point on manque de moyens. Et c'est lamentable de voir comment on tourne nos hôpitaux publics. Cas, certains d'entre eux, mais je pense a priori hein, de ce que l'on a entendu avec les l'année dernière, avec la pandémie de Covid nous a frappé, on était un peu plus au courant, voilà. Oui, ça a été catastrophique, hein. Moi, un des exemples, normalement tu as des blouses jetables, tu sais, en plastique, que tu mets sur ta propre blouse. Ouais. Et pendant ouais, c'était au début du confinement. Les soignants, ils avaient... Le premier confinement ? Ouais, le premier confinement. Quand blouses, il n'y en avait plus, des blouses jetables, parce que très vite, les stocks ont été épuisés. Donc, c'était des sacs poubelles dans lesquels ils devaient faire des trous, enfin, littéralement, quoi. C'était dégradant, c'était honteux. Comme j'ai vu mes collègues, hein, entre autres, porter ça, enfin, c'est... Oui, c'est effarant. Et ouais, le pire, c'est que dans certains hôpitaux, ce genre de situation-là n'est même pas exceptionnel, en fait. C'est au quotidien que ça se passe comme ça, parce que manque de moyens, etc. Et alors, donc, dans Hippocrate, on s'intéresse... Enfin, les quatre personnages principaux sont deux internes en première année, une interne en dernière année, et un médecin anapathe, donc un médecin légiste, qui va prêter main forte au service interne parce que voilà, il manque de personnel. Et donc c'est vraiment cette espèce de radiographie de l'hôpital public qui est bouleversante, en fait. C'est vraiment une réalité que je n'imaginais pas. Et de savoir que du coup c'est une série qui comment dire, qui non seulement est vraisemblable, mais qui en plus du coup a priori est vrai, quoi. C'est bouleversant. Et mais là où la série est forte, c'est qu'elle n'oublie pas d'être une fiction également. Et là-dessus, elle fonctionne, mais du feu de Dieu. Il y a vraiment des moments... Parmi les plus belles séquences que j'ai vues cette année, il y a une séquence dans la saison 2 qui est encore meilleure que la première saison. Déjà, vous voyez, la première saison, elle est très bien. La saison 2, elle est encore au-dessus. Il y a une séquence sur du Camaro où on voit ce personnel hospitalier surmené, parce qu'en plus, dans la saison 2, on s'intéresse principalement au service des urgences. Donc c'est ce personnel surmené qui, bah, de temps à autre, prend une sorte de bouffée d'air frais pendant les quelques récréations qui leur sont accordées, et c'est ultra touchant, en fait. Ouais, donc voilà, Hippocrate, en tout cas je recommande chaudement, c'est super puissant, c'est super bien joué, c'est presque tout est parfait dans cette série, je peux que vous la recommander. Et donc la troisième et dernière série dont je vais parler plus brièvement, c'est Le Bureau des Légendes. Non, je suis en train de me faire l'intégrale là, il me manque une saison et demie avant de terminer, donc c'est une série sur cinq saisons, qui s'intéresse à la DGSE, donc c'est un peu l'équivalent de la CIA en France, donc c'est la Direction Générale des Services de Sécurité Externe. Et là encore, alors, ça semble, c'est extrêmement vraisemblable, ça te paraît très crédible. Je sais pas si ça l'est en réalité, parce que pour le coup, j'ai pas vu d'espions qui confirmaient que oui, ça se passait comme ça là-bas. Mais c'est intéressant de voir cette différence de traitement que l'on fait en France avec ce type de métier et avec ce qu'en font les Américains avec la série, par exemple, Homeland, où ça n'a strictement rien à voir. Carrie Mathison, par exemple, l'héroïne de Homeland. elle a pas d'identité secrète. Elle se présente aux terroristes sous sa vraie identité, quoi. Elle désobéit aux ordres, tentez plus, elle fait vraiment sa vie, quoi. Alors que dans la DGSE, non, c'est il y a des règles, il y a des procédures, tu déconnes pas avec ça. Et d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle le Bureau des Légendes, est-ce que vous le savez, vous en avez une idée, peut-être? Non. C'est en fait une légende à la DGSE, c'est une fausse identité que tu te constitues. Parce que quand tu pars en mission, bah donc logiquement tu vas pas dire bonjour, je m'appelle Florentin. Non, tu as une couverture. Cette couverture, c'est ce qu'ils appellent une légende. Et donc tu dois vraiment l'apprendre par cœur. Par exemple, dans la première saison, on suit une nouvelle recrue. Qui, dans sa fausse identité, est née, a vécu à Bayonne. Elle doit apprendre par cœur tout ce qu'il y a à savoir sur Bayonne, combien il y a d'arènes là-bas, quels sont leurs noms, etc. Voilà, c'est le Bureau des Légendes aussi. Comme quoi, on voit une certaine, certains points communs entre ces trois séries que j'ai évoquées. Ça s'intéresse à un milieu professionnel bien précis. Et ça essaye de le travailler de la façon la plus, j'ai envie de presque dire, la moins spectaculaire possible, la façon la plus crédible. Ça n'en reste pas moins spectaculaire parce que finalement, ça n'oublie jamais en fait, d'être une fiction. Il y a des vrais moments de tension, des vrais moments fun aussi parfois, et c'est jamais chiant à regarder. Mais c'est vrai que ça fait vraiment, il y a un vrai, véritable contraste avec les séries américaines auxquelles on est habitué généralement, où il se passe des choses hautement invraisemblables. du coup, les productions françaises, je me suis rendu compte que ouais, j'avais été idiot de passer à côté toutes ces années. La prochaine sur ma liste, c'est Engrenage, qui s'intéresse au Palais de Justice de Paris et qui, là encore, a été loué pour sa crédibilité. Et je dévore nos productions maintenant et c'est vraiment c'est très bien quoi. Alors tu n'as pas cité La Révolution. Triste. Alors voilà. Là il faut préciser que donc En Thérapie comme on l'a dit c'est Arte, Le Bureau des Légendes et Hippocrate c'est Canal+, Engrenage c'est Canal+ aussi. La Révolution c'est Netflix il me semble. C'est ça. J'ai la seule série Netflix française que j'ai testée, c'était Marseille. Il ne m'a pas donné envie, à l'époque, de donner plus de chance aux séries françaises. Et La Révolution, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais... En fait, de ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux courants, mais qu'il y a peut-être deux façons de faire en France. Il y a... Non, trois, enfin. Bref. De courant, on va prendre La Révolution et En Thérapie, Le Bureau des Légendes, etc. C'est faire une œuvre de fiction crédible sur un univers, par exemple la DGSE, pour en faire un truc policier crédible, apparemment. Et de l'autre côté, la France a les talents pour faire des trucs, des créations fantastiques, très originales. Mais malheureusement, un peu comme ce que tu disais en introduction, ça souffre de très mauvaise réputation. Mmh. Alors que, Le Bureau des Légendes, c'est vrai que c'est une série, ça fait un moment que j'en entends parler, qu'il faudrait que je regarde, mais j'ai un peu mis le holà en fait sur les séries là dernièrement, parce que pour regarder des films. Mmh. Et lire aussi. Mais en fait, suite à cette mauvaise réputation, je sais pas, c'est par exemple... moi, celui qui me vient, c'est La Révolution, parce que je suis dégoûté, la série s'est arrêtée, donc je suis outré Netflix, vous l'avez arrêté pour privilégier la série Lupin, je trouve que c'est un affront, voilà. On va fonder une révolution, parce que Lupin... oh là là, c'est... Oh. Ouais, et du coup, La Révolution, tu recommandes, voilà. Si j'ai bien compris. Florentin, ferme ta gueule et continue. La Révolution, oui, je recommande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un univers qui est à l'opposé de ce que tu disais, mais quand en France, on veut faire des trucs fantastiques, j'ai l'impression qu'on peut y aller, mais à fond, très facilement. Mais malheureusement, il y a cette optique, si c'est pas américain, on regarde pas. Par contre, si c'est américain, on va regarder, et tout de suite, ça tout sonne crédible. Ouais. Par exemple, dans les trucs, c'est qu'il y en a peut-être certains qui vont dire La Révolution, oh mon Dieu, c'est pas crédible. mais à côté, tu es fan d'Avengers Endgame. Donc ça veut dire que tu trouves cohérent un mec qui gère tellement bien les nanotechnologies qu'il pourrait détruire une planète entière à lui tout seul et qui peut voler avec une armure. Pendant ce temps-là, il se bat avec un gros géant violet qui contrôle une armée d'extraterrestres. Quel est le... Enfin, il y a un paradoxe dedans. Tu trouves absolument pas crédible quelqu'un qui relie la Révolution française avec des nobles qui sont cannibales, mais tu trouves crédible un extraterrestre violet avec des gens qui ont des pouvoirs et... Tous les gens qui ont des pouvoirs sont aux États-Unis. Et en fait, je pense que les séries françaises qui partent loin dans l'imaginaire souffrent en fait de cette vision-là. Si c'est américain, c'est crédible. Si c'est français, c'est pas crédible. Et puis si c'est français, c'est de la merde. C'est forcément un truc d'auteur à la con. Alors que en France, on peut faire des bons thrillers. Tu viens de le montrer avec le Bureau des légendes, non? C'est pas un peu thriller? Oui, si, si. Voilà, le Bureau des légendes. Ou des séries basées sur un milieu professionnel, comme tu l'as encore très bien décrit avec En Thérapie et Hippocrate. Mais enfin, je sais pas. Dites-moi si je dis de la merde. Hein, mais il y a peut-être cette impression-là de dire c'est américain, ça passe mieux. Si c'est français, c'est de la merde. Donc, oui, non, mais c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu la perception que j'avais il y a encore pas si longtemps, et je sais que je suis pas la seule à l'avoir. On a cette vision de la série française dont le parangon, c'est Plus belle la vie, en fait. Du coup, forcément, voilà. C'est compliqué en partant de là. Donc oui, ouais. Moi je te rejoins dans ce que tu dis, Vincent. Chance aux séries françaises, mais pas qu'aux séries françaises, aux films français aussi. Oui, mais même en, enfin, c'est marrant parce que du coup c'était un peu ma thématique quand je présenterai mon film tout à l'heure. Et à partir du moment où tu sors du cinéma américain, il y a tellement de belles choses à découvrir. Et enfin voilà, on attendra d'arriver à la section des films, mais pas que français en général, je pense. Dès que tu sors de cette hégémonie-là. Eh bien, messieurs, comme vous croyez que, eh bien, il y a un ailleurs, il y a mieux en dehors des séries américaines, eh bien, je crois que Shoji Meguro va nous le chanter. Et oui, parce qu'on va écouter I Believe de Shoji Meguro avec Lynn Inezumi, une chanson tirée de Persona 5 Royal, et on se retrouve juste après ça. Hype you'll be waiting for. Maintenant, on va pouvoir passer à la section cinéma. Et quelque chose me dit, Florian, qu'on va avoir des réminiscences des années 50, si je ne me trompe pas. ouais, je crois. Je vais parler du film Shin Godzilla, qui est un film de 2016. C'est Hideaki Anno qui est derrière. Et ce monsieur est assez connu puisqu'il est derrière l'animé Evangelion. Donc, qui quand même se pose là en termes de succès et critique et commercial, en tout cas pour la culture populaire japonaise. Et c'est vraiment un film, c'est un super film. Je crois que c'est le dernier film Godzilla en date de la part des Japonais, puisqu'un peu avant il y avait eu le film de Gareth Ennis. Gareth Ennis est un scénariste de bande dessinée qui a notamment travaillé sur Hellblazer et The Punisher. Ah ouais. Qui avait fait son Godzilla en 2014 et qui a lancé tout l'univers, là, le Cinematic Universe avec King Kong et les autres films. Pour rejoindre un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que dès qu'on sort du soft power américain, voilà, on découvre des autres œuvres et surtout des œuvres qui racontent d'autres choses, parce que le film de Godzilla de 2014, l'américain, a vraiment la structure, voilà, basique du blockbuster, c'est-à-dire que tu as une scène d'action toutes les, je dirais à la louche, toutes les 15 minutes à peu près, et entre deux, bah, tu as des phases de dialogue parce qu'il faut bien qu'il y ait un minimum de lien entre les scènes d'action pour pouvoir les justifier. Toute une emphase sur le spectaculaire, et il n'y a pas de gravité particulière, alors que quand même, on raconte... Alors, dans le film de Godzilla 2014, c'est Godzilla qui affronte d'autres monstres, mais c'est quand même des catastrophes qui se passent. Enfin, les villes sont détruites, la population est touchée, mais bon, finalement, ce qui compte, c'est que les grosses bestioles se foutent sur la gueule. Alors que là, dans le film Shin Godzilla, c'est pas du tout le même temps. C'est un film qui est très très intense, parce qu'il est très très rapide dans la succession des scènes. Ça reprend l'idée du premier film Godzilla, c'est-à-dire Godzilla qui débarque au Japon pour tout détruire, pour un peu punir les hommes, toujours en lien avec l'activité du nucléaire. Mais le film s'attarde beaucoup sur comment l'organisme politique du Japon essaye de gérer la crise qu'est Godzilla. Et on sait qu'au Japon, la hiérarchie est très importante, et surtout une hiérarchie qui est verticale. Et du coup, tu as 15 000 réunions qui s'enchaînent en une poignée d'heures, tu t'adresses pas à n'importe qui. T'as cette scène qui est géniale où t'as une personne dans une réunion qui balance une vérité, mais il la balance comme ça en fait. Et t'as une personne qui se retourne qui fait « Mais vous vous adressez à quel département ?» Ou sinon, t'as ces scènes répétitives, parce qu'à un moment donné, il y a la force de défense militaire du Japon qui intervient, où t'as donc le Premier ministre qui est vraiment devant tous les membres du gouvernement, les différents départements qui sont tous alignés en face de lui. T'as une personne habillée en militaire, parce que lui, il reçoit les communications directement de l'état-major militaire. Il s'adresse à la représentante de l'armée du gouvernement japonais, qui s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre prend une décision, et la représentante parle au militaire qui est à côté d'elle, et lui rebalance les ordres. Enfin, voilà, quoi. Et ces scènes-là sont très répétitives pour te montrer toute la lourdeur de la prise de décision. Donc ça reste un film plutôt à charge envers le gouvernement japonais, parce que clairement, là, on parle de Fukushima et du tsunami qui l'a précédé, on parle de ça, hein, ce film-là. Et ce qui est beaucoup plus percutant, c'est que ben, là, par contre, la population civile a un vrai poids. Enfin, le gouvernement mesure ses décisions par rapport à ça, et tu même sans voir le c'est pas non plus monstratif, hein, tu vas voir la population se faire détruire par Godzilla, mais c'est pas non plus le plus gros des phases d'action, mais tu sens, voilà, quand même que Godzilla est là, il détruit une ville, quoi. Comparé au film américain où finalement c'est un décor qui est détruit. Et d'ailleurs c'est pour ça que comment il s'appelle, Godzilla, roi des monstres, t'as un peu du mal à y croire parce qu'il se passe après le film Godzilla et toute l'intrigue, c'est une famille qui a été en partie détruite par Godzilla et du coup t'as du ressentiment. Mais bon, comme tu l'as pas vécu dans le film de 2014, bah ouais, voilà quoi, c'est juste un prétexte scénaristique. Pour dire sans dire, dans Shin Godzilla, il y a une décision qui est prise par rapport au nucléaire et t'as une décision plus ou moins similaire qui est prise dans le film de Godzilla de 2014, mais là où dans le film américain, bah, c'est vraiment à l'américaine, quoi. C'est de dire, bon, bah, c'est le seul moyen, on y va, quoi. on l'utilise, ça fait pas vraiment débat. Dans le film japonais, tu sens la lourdeur de cette décision-là. D'ailleurs, t'as une scène qui est géniale avec l'ambassadrice américaine qui discute avec le... Alors, je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est la personne qui gère le département des catastrophes. Et voilà, la décision a été prise, et ils en parlent, et ils essayent de se faire à l'idée que ça va être fait. Et ils sont en train de discuter, c'est dans une zone industrielle, en bord de mer, et à un moment donné, ils s'arrêtent. T'as un silence et t'as la caméra qui avait déjà commencé à reculer, qui continue à reculer pour voir la ville derrière. Et t'as un sentiment vraiment de pesanteur. Tu retiens ton souffle et t'as d'autres scènes qui suivent. Vraiment, voilà. C'est pas rien. Tu la vis, quoi, la décision. T'as de la gravité. T'as des émotions négatives. Tu vois, alors que dans le film américain, tout est fun. Tu vois, c'est. Donc en fait, on renoue avec. Un Godzilla destructeur et un Godzilla surtout qui devait dire quelque chose sur son temps et qui devait dénoncer certaines choses, parce que le premier Godzilla était à charge contre la bombe atomique et ses effets. Après là, alors du coup, tu vois ce côté très frénétique, à la fois ça dessert un peu le film parce que c'est vrai que par rapport à certains personnages ou certaines trajectoires, tu te dis ça aurait pu être plus développé, notamment le côté cynique de la politique, tu vois, les gens qui sont là parce que c'est une profession, tout ça. C'est vrai que tu aurais pu t'attendre à quelque chose de plus approfondi, mais je pense que l'intention de ce film, c'est de faire traumatisme. C'est vraiment de ne pas te laisser le temps de digérer la catastrophe qui est en train de se passer. Et sur ça, ça marche assez bien parce que c'est vraiment intense. Et le sentiment avec lequel je ressors de ce film-là, c'est un film qui arrive à te faire sentir la faiblesse de notre organisation actuelle, en tout cas dans les pays, on va dire, développés, les pays du Nord, tout ça, où on a vraiment une administration avec plein de strates qui finalement marche bien en temps de paix, où ben, y a pas grand chose à gérer, donc voilà. Mais là, quand t'as un événement inattendu, quand t'as quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça tient pas, en fait, ces organisations-là. Alors, à la fois, c'est à charge au gouvernement, hein, une des premières phrases qui est assez marquante, c'est t'as quelqu'un qui fait l'état de la situation après la première attaque de Gusei, qui dit voilà, ça s'est passé en 2 heures, et en 2 heures, le gouvernement n'a su prendre aucune décision. Et à côté de ça, une partie de Tokyo a été détruite. Alors, à la fois, c'est à charge du gouvernement, à la fois, dans la situation du film, tu peux pas non plus complètement accuser le gouvernement, parce que bon, bah, gérer une bestiole comme Godzilla, enfin, tu vois, c'est... Tu connais pas, c'est très difficile de trouver la bonne réponse. Mais il me semble que ce que te raconte le film, c'est que, et ça c'est par rapport à la fin, je vais pas dire ce qui se passe, mais en gros, la fin du film, le Japon va devoir vivre avec Godzilla, et donc du coup, j'en dis pas plus, mais vivre avec l'idée que là ils se sont pris une grosse catastrophe. Mais il y en aura toujours. Et en fait, ce que te montre le film, c'est que dans ce contexte-là, où on se prend et on se prendra toujours des catastrophes, notre organisation globale, déjà, est très fragile. Tu vois Godzilla qui va mettre à mal toute la ville, finalement, juste en coupant le courant, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Donc, il suffit de peu de choses pour que tout se désorganise. Et en plus, tout l'appareillage décisionnel n'est pas taillé pour gérer les crises. Et donc, du coup, ben, ça ne fait que laisser la destruction se faire. Et vraiment, moi, je ressors avec ce sentiment de faiblesse, de te dire, ouais, il se passe un truc énorme, on se le prend, quoi. En tout cas, il me semble être dit au-dessus, mais c'est qu'on ne peut pas faire autrement dans notre organisation telle qu'elle. Après, pareil, je ne vais pas en dire plus, il y a une réinterprétation de ce qu'est Godzilla, qui est vraiment géniale, enfin, il est effrayant. Ce Godzilla là comparé au film américain qui reste plutôt dans la tradition et voilà, toute cette gravité dans le film américain tu l'as pas. Y a un problème, on le règle quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, dans le film américain, alors ça peut être sympa parce que ça parle bien de notre temps à nous, c'est-à-dire c'est très lié au complot. On commence à te raconter que dans le film américain, les essais des bombes nucléaires, ça a attiré Godzilla, mais ensuite, les autres essais, c'était pas des essais, c'était pour essayer de tuer Godzilla. Voilà, le Japon, la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas trop. D'ailleurs, on montre plutôt une belle coopération entre l'Amérique et le Japon. Alors, t'as le professeur Sugiwara, je crois, qui, lui, est censé rappeler le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Il a toujours sa montre avec l'heure figée sur le largage des bombes de Hiroshima ou Nagasaki, je ne sais plus laquelle des deux. Mais ce n'est pas un discours du tout qui est parlé par les Américains. Ils ne se remettent pas en question par rapport à ça. Et voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent décider d'utiliser la bombe nucléaire comme moyen. On en répète un peu plus. D'ailleurs, je trouve que un des derniers plans du film américain est assez détestable parce que tu vois la bombe nucléaire péter au loin, pour rien d'ailleurs, puisque le problème a été résolu. Et tu vois le soldat américain en train de fuir dans un hélicoptère, en mode il se repose, il est content, quoi. C'est bon, j'ai sauvé le monde. Tu vois, ben, qu'est-ce que le film essaie de dire, quoi. Voilà, on n'est pas du tout dans ces tons-là dans le film japonais. Et c'est beaucoup plus appréciable, vraiment. Vincent, je crois que tu voulais dire quelque chose. Et quand Florian disait que en situation de crise, on ne sait pas comment réagir, et quand je dis on, du coup, tu faisais référence au gouvernement, bah, ça a encore une fois pu se vérifier avec la pandémie lors du premier confinement, ou avec Tchernobyl, par exemple, qui se rapproche un peu plus de ces histoires de nucléaire, donc de Godzilla. Ouais, ouais. Et puis, ce qui est intéressant avec Godzilla, c'est que tu as une pensée globale. Enfin, tu as à un moment donné un politique qui dit, bon, là, la ville est mise en suspens, mais au niveau économique, on ne peut pas rester comme ça, parce que sinon, l'économie du pays va s'effondrer. Enfin, on te fait comprendre qu'on règle le problème. Alors, bon, c'est certes pour sauver les civils, mais c'est surtout pour sauver l'économie, parce qu'au bout d'un moment, il y a un marché global, et que si jamais tu t'effondres, enfin, c'est fini pour ça. C'est pareil, Godzilla, pareil, je n'en dis pas plus, mais y a tout un enjeu quasiment géopolitique, parce que tu te dis, attends, si le Japon arrive à maîtriser Godzilla, qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique, tu vois, si le Japon peut ne serait-ce que transporter Godzilla et le balancer là où il veut, enfin voilà quoi, comment on l'arrête, etc. Donc c'est ça qui est beaucoup plus riche, c'est que t'as une vision globale. Alors que dans le film américain, bon ben ça se passe en Amérique et on sauve l'Amérique, mais en sauvant l'Amérique, on sauve le monde. Et voilà, enfin c'est. Donc ouais, le vraiment, c'est. Il est vraiment génial ce film. Enfin, si jamais les films de Kaiju ça vous dérange pas, il faut absolument voir le film de 2016. Surtout si vous avez vu que les films américains. ça va être autre chose, quoi. C'est un film qui était dans ma liste de films à voir. Je l'ai toujours pas vu. Il va falloir que je le regarde, du coup, ce Shin Godzilla, qui, d'ailleurs, en parlant de destruction, je pense que, Vincent, tu vas en rajouter, non ? Avec Dragon Ball Super. Ouais, mais moi, je vais être un peu moins enthousiaste que Florian, donc Dragon Ball Super Broly, c'est plus un prétexte pour vous parler de Dragon Ball en général. J'ai pas compris quand ils ont annoncé Dragon Ball Super pourquoi ils faisaient ça, parce qu'il me semblait vraiment que quand on terminait Dragon Ball Z, il y avait plus rien à faire de plus. Hein. D'ailleurs, bon, j'ai pas regardé Dragon Ball GT, mais je connais sa réputation, je sais pas si elle est fondée ou pas, mais en tout cas, toujours est-il que faire quelque chose après Dragon Ball Z, ça me paraissait téméraire et pas spécialement pertinent. Et j'avais commencé à regarder un peu Dragon Ball Super, mais mes doutes s'étaient confirmés. Alors, du coup, pour revenir plus précisément sur les films, Dragon Ball Super Broly, c'est le troisième film de la franchise Dragon Ball Super, de la saga Dragon Ball Super. Déjà, ce qui était assez idiot, selon moi, c'est que les deux premiers films, dont j'ai oublié les noms, peu importe, en fait, sont sortis avant l'animé Dragon Ball Super, et donc les premières dizaines d'épisodes de l'animé n'étaient que des versions longues des films, des deux premiers films Dragon Ball Super, donc c'était inintéressant au possible. Là pour le coup, si j'ai bien compris, parce que je me suis arrêté assez vite hein, dans Super, j'en ai très vite eu marre. Donc là, ce film sur Broly se déroule, si j'ai bien compris, après l'animé, la série animée. Mais pour moi, les problèmes demeurent, en fait. Dans Dragon Ball, on a complètement perdu cette cohérence au niveau de la puissance. C'est-à-dire que Ça n'a plus de logique. Maintenant, donc, dans Dragon Ball Z, au départ, on a des persos qui sont des Saiyans, mais donc, en gros, c'est des sortes de surhommes. Puis, ils acquièrent un pouvoir de transformation en Super Saiyan. À la fin de Dragon Ball Z, ils atteignent, en tout cas, Goku atteint le stade de Super Saiyan 3, donc il est ultra puissant, d'accord. Là, dans Dragon Ball Super, carrément, ça devient des dieux. Ils acquièrent la transformation de Saiyan divin et ensuite de Super Saiyan divin. et t'es là. Et en fait, tu te dis, mais ça ne fonctionne plus. En fait, dans l'imaginaire collectif, les personnages de Dragon Ball Z sont les plus puissants de la culture populaire. On imagine sans mal les personnages de Dragon Ball Z, du moins Goku et Vegeta, battre Superman. Ce qui n'est pas forcément vrai en réalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne Death Battle. Non. C'est une chaîne YouTube dans laquelle ils réalisent, à travers des sprites, soit qu'ils réalisent eux-mêmes, soit qu'ils récupèrent dans des données de jeux vidéo. Parfois, c'est des modèles 3D, c'est plus rare, etc. Mais en tout cas, du coup, ils organisent des confrontations de personnages de culture populaire. Et donc, notamment, ils avaient fait un épisode sur Goku versus Superman. Et en fait, pour déterminer qui est le gagnant de cet affrontement, ils se basent sur toutes les données de puissance, etc., qu'ils peuvent recueillir au sein de la diégèse à laquelle sont rattachés ces personnages, pour essayer de déterminer, du coup, scientifiquement, lequel est le plus fort. Et donc, ils étaient arrivés à la conclusion que Superman était en réalité plus fort que Goku. Mais, en tout cas, toujours est-il que dans l'imaginaire collectif, Goku est plus fort que Superman. Mais sauf qu'en fait, ça n'a plus aucun sens. Déjà, dans ne serait-ce que la transformation de Super Saiyan, c'est dans Dragon Ball Z, quand ils sont sur Namek et tout, ça crée des ondes de choc qui te défoncent des falaises, etc. Et on n'est qu'au premier stade de leur évolution. Et là, ils sont à un stade de transformation divin. Et en réalité, ne serait-ce qu'un coup de poing, ça devrait faire une onde de choc qui explose la planète, quoi. On a cet animé à côté qui s'appelle My Hero Academia, dans lequel on a un personnage qui est doué d'une super force aussi. Quand il claque des doigts, ça fait, il a tellement de force que ça crée des rafales de vent qui peuvent infliger du coup des dommages à ses adversaires et à l'environnement, etc. Dans Dragon Ball Super, il faut se rendre compte qu'on a atteint un stade qui est mais 1000 fois supérieur à celui de ce personnage-là. Normalement, il n'y a rien qui ne résiste à leur puissance. Et donc, en fait, dans Dragon Ball, on est sans cesse en train de... Comment dire? Chaque nouvelle transformation fait que les transformations précédentes sont en réalité, du coup, enfin, perdent en puissance. Mais ce n'est pas du tout logique. Donc, il y a ce rapport-là qui est complètement foiré dans Dragon Ball, qui m'insupporte. Ça fait également que tous les personnages aujourd'hui ne servent plus à rien, à l'exception de Goku et Vegeta, puisque plus personne n'est capable de les suivre, vu que les autres ne sont pas des Saiyans purs. Donc, notamment dans Dragon Ball Super Broly, on a le personnage de Piccolo qui, à l'époque de la première série, donc de Dragon Ball, était le méchant final de l'animé. Hein. C'est vraiment, c'était le rival de Goku duquel il fallait venir à bout. Aujourd'hui, le personnage, il fait un caméo dans Dragon Ball Super Broly et il dit lui-même « Non, mais je vais pas vous rejoindre, je vais vous gêner, quoi. » On en est là. Il y a ça, et puis... En même temps, alors mes souvenirs de Dragon Ball sont anciens, mais Piccolo est dépassé très vite déjà. Dans Dragon Ball Z déjà. Passé Raditz, tout ça, il peut avoir un éclair de bravoure qui aide les autres, mais il a déjà plus d'un. Il tient plus la chic en termes de puissance. Mais quoi. Du coup, il te rajoute des personnages qui peuvent briller à côté de ça, comme Gohan, comme Goten et Trunks, etc. Mais dans Dragon Ball Super, en tout cas dans le film que j'ai vu, ces personnages ne sont même pas présents parce que ce sont que des demi-Saiyans. Donc ils n'ont pas le même potentiel que Goku et Vegeta, et donc eux aussi aujourd'hui sont complètement dépassés. Et en fait, du coup, mais ça n'a aucun intérêt, hein, vraiment, selon moi, Dragon Ball Z aujourd'hui. Enfin, Dragon Ball, toute la série Dragon, enfin, la franchise Dragon Ball dans ce qu'elle propose aujourd'hui. Parce que même les combats, finalement, dans Dragon Ball, en fait, les combats, c'est un jeu de bataille. C'est-à-dire, si ton potentiel de puissance est plus important que celui de ton adversaire, bah, t'as gagné, en fait. C'est comme à la bataille, tu poses un 3, tu poses un 7, c'est le 7 qui gagne, y a pas match, en fait. Contrairement à des animés comme Naruto ou My Hero Academia, où la puissance de base a une certaine importance, mais il y a toute une stratégie qui se met en place et qui fait que bah, si tu connais mieux ton adversaire que lui ne te connaît, tu peux profiter de ses faiblesses, etc. Et puis finir par renverser la situation et gagner le combat alors que les chances étaient contre toi au début. Dans Dragon Ball, c'est jamais comme ça que ça se passe. Et même les chorégraphies de combat sont... Enfin, comment dire, leur vitesse est tellement rapide, tellement élevée, qu'en fait on a souvent, vous savez, ces animations où on voit même plus leurs bras bouger, on a des espèces de stries à la place qui te montrent alors à quel point ils sont rapides. Alors que déjà dans Dragon Ball, vaincre Freezer, c'était déjà un acte énorme, parce que Freezer, de souvenir, c'était un tyran qui détruisait des mondes juste en levant le petit doigt. Exactement. Donc, c'était pas n'importe qui. Et déjà, Goku le bat. Ensuite, il affronte un cyborg qui vient du futur. Et Bou à la fin. Enfin, il a déjà affronté d'énormes adversaires. Et d'ailleurs, souvent, il les bat avec le Genki Gama, c'est-à-dire la force de tous. En fait, finalement. Je t'en prie, vas-y. Ouais, je te coupe, mais pourquoi ils n'ont pas osé faire comme font les comics, c'est-à-dire ils se rebootent? Parce que les comics, si jamais ils faisaient comme certaines œuvres japonaises, eux aussi auraient été contraints d'aller dans l'escalade de la puissance, et ont décidé de faire autrement, c'est-à-dire qu'ils re-racontent l'histoire autrement. avec des variantes. Ils remettent en scène des choses. J'imagine qu'il y a quand même, mais de très loin les comics, qu'il doit y avoir une progression dans la puissance, mais ça permet de juguler un peu ça, quoi. Alors, le comics ne se reboot pas, il crée un multivers, il crée une autre dimension. C'est pas pareil. Parce que sinon, je crois, par exemple, que Spider-Man, il y a toujours une continuité depuis les années... depuis la première année où il était créé. Hein. D'accord. Oui, c'est effectivement, c'est pas... Enfin, c'est ouais, mais le bon. Reboot est diégétique, mais bon, c'est un revient même, finalement. Ok, donc du coup, avec Dragon Ball Super, on a le syndrome Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire il faut que les monstres soient toujours plus puissants jusqu'à avoir des monstres... C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que Yu-Gi-Oh, par exemple, suit le jeu de cartes, en tout cas, suit la même pente, c'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait 15 ou 20 ans que Yu-Gi-Oh existe? Je sais plus, quelque chose comme ça. Et comparé à Magic, qui fait des saisons, et à chaque fois, à chaque nouvelle saison, tu redémarres quasiment de zéro. Je crois que tu redémarres pas totalement de zéro, mais quasiment de zéro. Donc ce qui fait qu'ils arrivent à bien gérer la montée en puissance et la rapidité du jeu. Yu-Gi-Oh, ça fait 10 ou 15 ans, je sais plus, qu'ils accumulent en fait des cartes. Et ils n'ont de cesse que de rajouter des règles, que de rajouter des types de cartes. Il faut aller toujours plus vite. Les monstres sont obligés d'avoir de plus en plus de puissance. Des monstres qui sont inciblables, tu peux pas les détruire comme ça. Ils annulent une ou deux actions de l'adversaire par tour. Enfin, et on va sans cesse vers ça. Parce que comment vendre des nouvelles cartes si elles sont aussi puissantes ou moins puissantes que celles qui étaient sorties avant? Ça intéresse pas les gens. Donc t'es toujours dans cette course de j'enchéris, mais surtout, finalement, tu restes qu'à la surface. C'est-à-dire, tu donnes de la vitesse, tu donnes de la puissance. Alors c'est ce qu'il faut rappeler, oui, c'est que Yu-Gi-Oh! À la base, c'est un jeu de cartes, parce qu'on en parle comme si on connaissait. C'est un jeu de cartes à collectionner, et c'est aussi un jeu de cartes sur lequel il y a des tournois. On pose des cartes monstres qui ont des points d'attaque, et on pose des cartes magiques et pièges qui peuvent nous donner l'avantage durant un duel. Et il faut réduire ce qu'on appelle les points de vie, c'est-à-dire les points de l'adversaire, qui peuvent aller de 2000, 4000, 5000, 8000 points de vie, et il faut les réduire à zéro. Du coup, Yu-Gi-Oh! A évolué dans le sens où, à l'époque, poser un monstre à 3000 points était... c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est quelque chose de tout à fait lambda. Du coup, les duels sont allés plus vite, etc., etc. Et les monstres sont devenus de plus en plus puissants, monstres 8000, en jouant contre l'ordi, je suis tombé contre un monstre à 10 000 points, j'ai rien compris. À l'époque, invoquer le dragon blanc aux yeux bleus, c'était quand même, ça te prenait du temps, parce qu'il fallait que tu utilises 3 monstres, que tu les sacrifies, et t'invoques ton dragon blanc. Là, parce qu'ils ont réadapté le deck dragon blanc aux yeux bleus avec le fonctionnement actuel, tu l'invoques, ce qu'on dit spécialement, c'est-à-dire comme ça, du moment que tu remplis la condition, tu l'invoques, dans tous les sens, du cimetière, du deck, c'est n'importe quoi, c'est même plus un événement de l'invoquer, et en même temps c'est nécessaire si tu veux tenir le coup face au deck actuel. Alors, on va peut-être pouvoir, là on commence à dériver sur Yu-Gi-Oh, on était à la base sur Dragon Ball Super. Hein. Oui, excuse-moi. Mais donc Vincent, du coup, tu recommanderais pas des masses, Vincent, en tout cas, vu ce que t'as l'air. Non, j'ai encore quelques points à aborder dessus assez rapidement, mais pour moi un reboot aurait été nécessaire, et en plus ça aurait été tout à fait possible avec le pouvoir des Dragon Ball, hein, ces fameuses boules de cristal qui peuvent exaucer n'importe qu'elle veut, ou presque. Tu faisais référence, Florian, à Freezer dans sa première forme qui est capable de détruire une planète avec le pouvoir d'un seul doigt. Figure-toi que cette scène, on la retrouve dans le film. Et on a également ensuite un affrontement avec Freezer dans sa dernière forme la plus pétée face à Broly, et il perd le combat, et donc tu te dis, mais encore une fois, ça ne marche pas, vous pouvez pas montrer un personnage capable d'une telle puissance, et ensuite, alors qu'il est supposé être beaucoup plus puissant, et finalement, il ne réussit pas à vaincre, ça n'a aucun sens comme on le développe depuis tout à l'heure. Enfin, le chara-design de Dragon Ball Super, ça vraiment c'est le truc que j'ai trouvé vraiment le plus nul à l'annon, quand la série a commencé à se développer. Il faut savoir que Dragon Ball Super, ça a d'abord été un animé, des films d'ailleurs d'abord, mais avant de devenir un manga. Et donc, ce qui manifestement ils n'avaient pas anticipé, c'est que leur chara-design fonctionnait, bien qu'il était naze, mais il fonctionnait sur de la télé, il fonctionnait beaucoup moins en noir et blanc, sur des pages de manga. Puisque la première transformation qu'ils acquièrent dans Dragon Ball Super, c'est le pouvoir divin, là, c'est Goku qui, du coup, finalement, conserve la même coupe de cheveux qu'il a habituellement, sauf que ses cheveux deviennent rouges. Donc forcément, sur du papier noir et blanc de manga, c'est très difficilement discernable de sa forme de base. La transformation Super Saiyan divin blue, là, machin, bah, c'est la même coupe de cheveux qu'un Super Saiyan, sauf que les cheveux sont bleus. Donc déjà, c'est nul, je veux dire, même tu regardes l'animé, t'as l'impression qu'il y a une régression encore, puisque avant ça, les transformations, c'était... les cheveux qui étaient de plus en plus longs, hein, jusqu'à atteindre le niveau de Super Saiyan 3 où les cheveux faisaient 10 mètres. J'exagère, hein, mais ils étaient vraiment très longs, ils arrivaient au pied de l'adversaire, du personnage. Et dans Dragon Ball GT, la transformation Super Saiyan 4, c'est que carrément, ils retournaient une sorte de design un peu primal, où, parce qu'à la base, les Saiyans, ce sont plus ou moins une variante du singe, on va dire ça comme ça. Ils peuvent se transformer en gorille géant et tout, et donc la transformation Super Saiyan 4, ça leur faisait avoir cette forme un peu mi-homme mi-singe. Et là, du coup, on arrive sur un truc beaucoup plus minimaliste, où en fait, on reprend leur première transformation, mais juste on change leur coupe de cheveux. Enfin, ça ne fonctionne pas, je suis désolé, ça ne traduit pas un sentiment de puissance décuplé par rapport à leur précédente transformation, et puis en plus, du coup, ça leur a mis des bâtons dans les roues pour la version manga. Enfin, vraiment, mais il n'y a que des mauvaises idées dans Dragon Ball Super, d'aussi loin que je puisse en juger, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Je pense que maintenant, je vais arrêter cette saga. En même temps, Toriyama, il a lâché l'affaire depuis très longtemps, hein, parce que je sais que lui, déjà, voulait arrêter à Freezer, il me semble. Et que c'est l'éditeur qui l'a poussé à faire les arcs suivants, Cell et Boo. Mais lui, Dragon Ball, il en a marre depuis longtemps. Il a d'ailleurs dessiné d'autres choses, hein, mais des choses qui sont restées plus confidentielles. Donc j'imagine que pour le marketing, ils ont dit que Toriyama a adoubé Super. À mon avis, il a juste dit, ouais, faites-le, ça va me rapporter de l'argent. Donnez-moi mon chèque et m'emmerdez plus. Bah, en même temps, il me semble qu'il a eu des problèmes de... avec le fisc, je crois, hein, Toriyama, donc pour générer en même temps, enfin, il sait très bien que ça va marcher, donc mais la tête pensante est plus là. Du coup, Vincent, tu as pu caser tout ce que tu souhaitais sur Dragon Ball Super. D'accord, alors juste une toute dernière chose qui m'est venue là à l'instant. Du coup, comme je vous l'ai dit, hein, les combats dans Dragon Ball Super, ça ressemble un peu au principe de la bataille du jeu de cartes. Donc en fait, finalement, le personnage, bon, comme d'habitude, c'est pas un spoil, le grand méchant perd à la fin de Dragon Ball, donc Broly est vaincu. Il est vaincu avec une transformation que tu n'as qu'à la fin du film, avec la technique de la fusion, mais en fait, ils auraient tout à fait pu se transformer, avoir utilisé cette transformation-là en début de film. C'est-à-dire qu'en fait, le film aurait pu être réglé en 5 minutes, quoi. C'est si les personnages Goku et Vegeta avaient fusionné dès le début du film, ce qu'ils auraient tout à fait pu faire, ça, c'était réglé. Et qu'ils ont déjà fait. Et qu'ils ont... Alors, ils ont fusionné deux fois par le passé, enfin, de souvenir dans Dragon Ball Z. Une fois, c'était avec les Potara, là, les Potala, avec la transformation Végéto. Et ça, c'était vraiment un dernier recours, parce que c'était une fusion qui était supposée être définitive. Finalement, ça ne l'a pas été par des tours de manche scénaristiques, mais voilà. Sinon, la technique de la fusion, comme on a pu le voir dans la série avec Gotenks, là, donc quand Goku et Vegeta se sont transformés en Gogeta, ça a eu lieu dans un film qui n'est pas canon, du coup. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est avec Tapion, je crois. Ok, du coup, le film aurait pu être réglé en 5 minutes, ça aurait été un court-métrage et ça aurait peut-être été mieux, c'est ça? Bah oui. Nickel, allez hop. Alors, mon film, bien, on va faire un petit tour dans l'espace avec Space Sweepers. Donc Space Sweepers, c'est un film coréen qui est réalisé par Song Yi-jo, qui est disponible sur Netflix. Alors pour le petit synopsis, je l'ai pris directement de Allociné, je trouve qu'il résume assez bien. En 2092, après avoir réussi à récupérer une navette spatiale lors de leur dernière chasse aux débris, l'équipage du Victory découvre une fillette de 7 ans à l'intérieur. réalisant qu'elle est quelque peu particulière et recherchée par les gardes spatiaux de l'UTS, des décisions vont devoir être prises. Bon, voilà, j'ai changé la fin parce que je me suis dit que ça spoilait une petite surprise, donc voilà. Alors après, c'est un film coréen qu'on pourrait, oui, on pourrait dire blockbuster, vu des effets spéciaux. C'est un bon divertissement où on prend le temps de développer les personnages et les enjeux de l'histoire. Alors, il y a même quelques moments assez drôles, notamment quand ça tourne autour de l'argent, parce que c'est un équipage, donc peut-être pour développer l'univers, où l'équipage en fait récupère donc des débris spatiaux qu'ils revendent ensuite, parce que forcément la Terre est un peu polluée. Ça m'a fait penser au manga Planète, d'ailleurs, ce postulat, mais en version beaucoup plus SF, beaucoup plus space opéra. Et ce qui lie l'équipage au début, c'est quand même l'argent. Et t'as quelques gags au niveau de l'argent, notamment le robot de l'histoire qui adore ça. C'est assez drôle et ça désamorce pas les situations dramatiques, ça arrive au bon moment. Et aussi, ce qui donne une bouffée d'air frais, je trouve, c'est que ça change de l'hégémonique Star Wars avec Disney. C'est rafraîchissant. Vraiment, c'est un bon divertissement. Les personnages sont hauts en couleur. Et comme la majorité des films coréens ou japonais, ils sont fortement reconnaissables. Si vous regardez simplement pour les mangas, généralement, on a le personnage qui a ce caractère-là, le personnage qui a ce caractère-là, etc., etc. Ce qui fait qu'on les reconnaît beaucoup plus facilement. On s'attache aussi plus facilement à eux. Et le film, c'est ça, en fait. On suit... Trois, quatre membres, oula, j'ai perdu, ça fait un petit moment que je l'ai regardé, 3-4 membres d'équipage, et tous vont avoir leur caractère bien défini, et leur histoire aussi, que le film prendra le temps de nuancer, en mettant des passages sur leur passé. Des fois c'est juste on te raconte ça pendant une minute, mais ça suffit à poser toute l'historique de ce personnage-là, et pourquoi on le découvre à ce moment-là du film, pourquoi il a décidé de vivre une vie, on va dire, de très pauvre dans l'espace, qu'est-ce qui se passe sur Terre, qui il était sur Terre, pourquoi il est parti comme ça. C'est un film par contre où il peut y avoir à quelques moments des longueurs, voilà, peut-être au milieu du film. Mais je pense que c'est principalement une gestion du rythme qui est à blâmer là. Mais hormis ça, on passe encore une fois un bon moment. L'univers donne vraiment envie d'en voir plus, on intègre aussi de façon très cohérente beaucoup de nationalités. En fait, soudainement, on suit des personnages qui sont coréens, mais tout à coup, si vous regardez le film en VO, vous allez avoir de l'anglais, du français, de l'indien, et vous allez avoir plein de langages comme ça. Pourquoi ? Bah parce qu'on est dans l'espace, tout simplement. Donc il n'y a plus de frontières, donc vous avez le vaisseau à côté, c'est peut-être un vaisseau indien. Il y a un personnage qui est français, d'ailleurs, qui essaye de draguer le capitaine du vaisseau du Victory. Ça donne des passages assez savoureux. Donc regardez-le. D'ailleurs, je crois qu'il est disponible qu'en VO sur Netflix. Et puis, de toute façon, il faut regarder les films coréens en VO. C'est normal. C'est un film donc, qui sait aussi poser ses enjeux dramatiques. Voilà. Et je ne peux en parler. Alors, il n'y a pas un point précis qui m'a interpellé dans le film. C'est plus de façon générale et cette bouffée d'air frais à chaque fois qu'on prend quand on regarde un film coréen. Voilà, tout est attachant et il y a un petit discours sur la transidentité, dedans qui est plutôt bien amené, qu'on découvre qu'à la fin du film. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis voilà, non, en fait, vous avec Space Sweepers, vous passerez à mon avis un bon moment. Alors il y a peut-être deux fois l'action peut paraître un peu brouillonne. Alors peut-être que j'étais fatigué à ce moment-là, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, les films coréens savent en tout. Je crois qu'on le dit à chaque fois qu'on parle d'un film coréen, mais c'est à chaque fois le milieu du film, on pense avoir tout développé, et en fait, non. La seconde partie du film nous fait découvrir tout autre chose, nous fait découvrir des enjeux qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on pensait. Mais ça, pourquoi ? Parce que les Coréens développent leurs personnages, tout simplement. Vous regardez, je vais le comparer à Star Wars épisode 7, où les personnages s'aiment parce qu'ils se font des câlins. Et Yann Solo, c'est le père spirituel de Rey, parce que, voilà, c'est ça, on n'a pas pris le temps de développer une quelconque relation entre eux. Là, Space Sweeper, en 2 heures de film, je crois, il prend le temps de montrer pourquoi les personnages travaillent ensemble. Pourquoi ils s'apprécient autant qu'ils se détestent quand ça parle d'argent. Pourquoi ils se mettent des bâtons dans les roues dès qu'il y a un billet quelque part. Et pourtant, comment ils... Et pourquoi ils sont liés. Et on y croit. Ouais. on y croit à cette relation-là entre eux. Moi, le robot, je l'ai adoré. Dedans, je crois que c'est le plus vicieux en termes d'argent. Mais... bah, de toute façon, Florentin, je pense que pour l'instant, l'anomalie ultime dans cette idée que tu dis que les films américains ne développent quasiment pas les personnages, ça avait été Alien Covenant. Oui. Où en fait, si tu voulais connaître la nature des relations entre tous les membres de l'équipage, il fallait avoir vu au préalable une putain de vidéo sur YouTube qui faisait partie de la campagne marketing, où là, ça s'était raconté. Et parce que dans le film, il commence comme ça. In media res, tu connais pas les membres. Alors, tu comprends à un moment donné qu'il y a deux personnages sont ensemble, mais après, comment tu veux vivre les destins des personnages s'ils te sont pas un minimum empathiques ou sympathiques je pense que Covenant le représente bien, quoi. En fait, les Coréens, le truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont une sorte d'amour pour leurs personnages, parce qu'ils veulent impérativement, du moins dans les films que j'ai pu voir, avec les thrillers et tout ça, ils veulent impérativement développer leurs personnages, les nuancer. Mais par contre, alors, qu'est-ce qu'ils ont chi? Au bout d'un moment, les thrillers coréens, c'est, tu t'as envie de dire au personnage principal, mais suicide-toi, ta vie sera mieux après. Si vous regardez The Chaser ou quoi, enfin c'est horrible ce qui leur arrive. Mais pour revenir à Space Sweeper, on n'est pas dans un degré aussi sombre. Encore une fois, faut adhérer au jeu coréen. Mais faites l'effort d'apprécier ce jeu-là et vous allez voir que finalement, ça rajoute beaucoup de profondeur au jeu et aux situations comiques. Ça rajoute quelque chose d'un peu plus, parfois cartoonesque, on a l'impression. Mais ça sert aussi l'attendrissement des personnages, toutes ces réactions-là. Le méchant principal, il pourrait faire un peu stéréotypé, mais ça reste cohérent en fait avec l'univers que développe le film et les situations qu'il cherche à dénoncer. Ouais, bon, on va pas dire ça comme ça, mais enfin les situations qu'il cherche à montrer. Donc voilà, si vous voulez passer un bon petit moment là pendant les vacances, 2 heures, vous avez Space Sweepers pour faire un. Ça, pour découvrir un film de SF coréen. Bah écoute, tu nous l'as bien vendu, moi je suis intrigué. c'est un bon film. Produit par Netflix en plus, j'ai oublié de dire. Ça me fait un peu peur par contre. Non, alors, produit ou seulement distribué, je ne sais pas, attendez, je vais voir. Ce qui m'embête, c'est que j'aurai jamais ma sortie DVD et j'aime beaucoup les DVD. Voilà. Il n'existe pas encore des éditeurs qui arrivent à publier en Blu-ray ou en DVD des films uniquement en numérique. En fait, ça dépend. Netflix n'a pas vraiment d'intérêt à ce que ça se fasse pour ses propres séries et films, puisque lui, son intérêt, c'est que tu restes abonné à sa plateforme. Donc, moi, j'adorerais avoir Sense8 en Blu-ray, mais Netflix, il a plus intérêt que je reste abonné des mois et des mois pour continuer à profiter de cette série tout le temps que je souhaiterais l'avoir, plutôt que de l'acheter en une seule fois, en fait. Ouais. Bon, je sais pas, ça m'a l'air plus distribué par Netflix que produit par eux. Parce que enfin, il y a quand même un gros budget effets spéciaux. Puisque ce sont les... Ceux qui ont fait les effets spéciaux, on fait les effets spéciaux sur les films Along with the Gods, qui sont des blockbusters coréens. Cette question de la production ou de la distribution Netflix, ils sont, comment dire, je sais pas comment légalement c'est possible, mais vous savez, sur beaucoup de séries, enfin sur toutes leurs séries en fait, ils marquent quelque part création originale Netflix, ou Netflix original, je sais plus, enfin bref. Et donc en fait, dans l'idée des gens, ça donne à penser que toutes les séries qu'il y a sur Netflix, ce sont des séries... produite par Netflix. Par exemple, je discutais avec quelqu'un récemment qui me parlait de Riverdale. Il me disait que c'était une série Netflix. Non. Riverdale, par exemple, c'est une série CW à l'origine. CW, c'est un network américain, voilà. Et il se trouve que en France, on n'a pas cette chaîne-là, donc c'est Netflix qui fait une série en France. Mais Netflix ne fait que ça. Après, Netflix a ses propres séries, comme Sense8, comme Insatiable, comme The OA, mais sinon, non. Et pour autant, du coup, il profite tout à fait de cette espèce de flou-là, parce qu'effectivement, quand tu lis création originale Netflix, je sais pas, pour moi, ça veut dire que c'est une série que Netflix a produite à 100%, et en fait, non. dans la plupart des cas, c'est des séries que juste il met à notre disposition dans notre pays, mais c'est pas lui qui les a réalisées pour autant, quoi. Alors, justement, là tu parles de ce flou-là. Alors, ce n'est pas une production Netflix, mais il est sorti exclusivement sur Netflix en raison du Covid. D'accord. Donc, c'est une production coréenne, parce que je me disais quand même, c'est un énorme budget pour Netflix, vu la qualité des effets numériques, et vu qui est quelles sont les personnes qui sont derrière ces effets-là. Donc non, c'est Netflix, c'est arrogé avec le Covid, l'exclusivité de ce film. D'accord. Voilà. Et alors, c'est bien, parce que du coup, les gens, si vous avez Netflix a beaucoup de trucs coréens, des séries, des dramas, des films. Mais par contre, c'est relou parce que c'est comme Ilang, la Brigade des Loups. J'aurais beaucoup aimé l'avoir en DVD et je ne peux pas l'avoir en DVD. Donc, voilà, c'est assez embêtant de ça. Mais non, je pense qu'on en parlera dans un autre DLMAD quand on parlera de cette prise d'otage pour tout ce qui est série et jeux vidéo. Messieurs, on va peut-être pouvoir passer à ce qui intéresse normalement de la manette au débat, c'est-à-dire le jeu vidéo. Mais je t'en prie, oui. Donc, en jeu... Vincent, dans un précédent DLMAD, nous parlions de Mass Effect Legendary Edition. Mmh. Et il semble que tu veuilles nous en parler justement ici. Oui, bon, parce que du coup, depuis, j'ai donc mis les mains dessus. À l'heure actuelle, j'ai terminé le premier Mass Effect et je suis... j'ai quelques dizaines d'heures sur le deuxième. Donc, j'ai pas terminé les trois jeux. Mais bon, ça me paraît suffisant pour vous en parler. Il y a une question que j'ai souvent vu revenir dans les podcasts que j'ai écoutés qui traitaient de cette Legendary Edition, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Mais en fait, donc, on peut là tout à fait vous renvoyer au précédent épisode de La Manette au débat. Bon, la réponse pour moi, elle est évidemment oui. ne serait-ce, par exemple, que parce qu'en fait, sur PC, c'était devenu extrêmement difficile de jouer à l'intégralité des jeux Mass Effect. Et puis même sur console, je veux dire, avant l'arrivée de la Legendary Edition, Mass Effect, c'est sur console, c'est sorti sur PS3 et Xbox 360. En ce qui me concerne, ma 360, elle a un problème, je ne peux plus jouer avec depuis quelques années. La PS3, elle commence aussi à partir en cacahuète, donc ça commence à devenir compliqué. Donc très très bien que ça ressorte sur des consoles actuelles, enfin maintenant du coup de génération. Non, c'est aussi jouable sur PS5 et Xbox Series X, donc sur des consoles actuelles. Xbox Series tout court d'ailleurs. Mais vraiment le titre de cette Xbox Series, c'est imbitable. Hein. Je sais pas comment leur est venue cette idée, mais nul. Bref. Et donc sur PC, pourquoi c'était compliqué ? Parce que vous pouviez acheter Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3 à la fois sur Steam et sur Origin. Donc Origin, quand même, la plateforme d'Electronic Arts qui est éditeur de Mass Effect, qui en est le propriétaire hein, de cette marque-là. Par contre, pour ce qui est des DLC, là, c'était la croix et la bannière. Sur Steam, c'est pas possible, ils n'y sont pas. Et sur Origin, jusqu'à il y a quelques temps, est-ce que c'est... Est-ce que c'est 2018 ? Enfin, en tout cas, voilà, Mass Effect 3, à titre d'exemple, il est sorti en 2012, ou 2000, ouais, 2012, ou 2013, mais je crois que c'est 2012. Au mieux, les DLC de Mass Effect, de tous les Mass Effect, sont trouvables sur Origin depuis 2018, à travers seulement des lots, mais des lots en plus. C'est-à-dire que s'il y a un seul, s'il y a une partie... seulement des DLC qui t'intéressent, bah non, tu dois acheter un pack qui regroupe l'intégralité des DLC. Enfin, c'était extrêmement compliqué, donc en fait, vraiment, pour acheter les DLC à la pièce, etc., et de toute façon, avant 2018, avant que ce soit possible de le faire sur Origin, la seule possibilité, c'était de passer par une boutique BioWare et d'acheter tes DLC avec des points. C'est-à-dire que, comme ce qu'on avait à une époque, enfin au début, sur Xbox 360, où on n'achetait pas en euros, mais on achetait en Microsoft Points. Et donc, par exemple, 10 euros, ça équivalait à 800 Microsoft Points, et tu achetais tes extensions comme ça. Et donc, c'est grave pénible, parce qu'en fait, tu te retrouves presque inéluctablement avec des points sur les bras, du coup, puisque tu peux pas acheter précisément la somme que valent tes DLC. Donc, juste, ne serait-ce que pour ça, parce qu'en plus, Mass Effect, c'est une trilogie qui a d'excellents DLC, bon, plus le 2 et le 3 que le premier, mais voilà. Donc, rien que pour ça, c'est quand même heureusement qu'aujourd'hui, c'est avec cette Legendary Edition, c'est accessible simplement. Ensuite, ils se sont pas foutus de nous avec cette collection de remaster. C'est très très propre. Vraiment, le premier, c'est celui qui a bénéficié du plus gros travail. Et visuellement, il est assez joli. Bon, je vais pas vous faire comment dire tout le détail des effets lumineux qui ont été rajoutés, des modèles qui ont été recréés, etc. Mais voilà, c'est comment dire, le travail se voit vraiment. Ça se voit moins pour Mass Effect 2 et Mass Effect 3, et on peut le comprendre parce que le premier a tellement dû être un chantier que voilà, c'est quand même des jeux qui font 45 heures en moyenne chacun, donc à un moment donné, faut quand même le sortir ce remaster. Donc ils ont passé moins de temps sur les deux jeux qui en avaient le moins besoin. Mais ça reste du coup très bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Alors, j'ai cru que c'était une censure. En fait, a priori, c'est un bug qui, du dernier patch note que j'ai lu, donc de la dernière note de mise à jour que j'ai lu, n'a toujours pas été corrigé. Dans Mass Effect 2, à partir de Mass Effect 2, il était possible d'avoir, en fait, quand on faisait des headshots, de faire exploser le crâne de la personne à qui on faisait un headshot. Et dans mon jeu à moi, ce n'est pas possible. En fait, a priori, c'est juste un bug qui est très répandu dans la plupart des versions. Mais c'est pas une censure volontaire. Voilà. Mais c'est dommage parce que j'étais choqué, je voyais personne en parler, tout le monde parlait du cul de Miranda qui était censuré et tout, mais personne parlait de ce feedback-là qui était extrêmement satisfaisant et vraiment assez super dommage. Si comme moi, quand vous tirez dans la tête des personnages, ça n'explose plus, je comprends votre frustration parce que c'était un feedback véritablement satisfaisant. C'était ce que l'on appelle, donc voilà, on en parlait un peu en off en début d'émission, c'est un feedback juicy. Vraiment, ça crée un fort degré de plaisir quand ça se produit, quoi. Sinon, moi, je vais pas faire trop long, mais du coup, c'est une série quand même qui commence à dater. Donc moi, quand j'ai découvert Mass Effect, j'étais à cheval entre le collège et le lycée. Donc aujourd'hui, j'ai une autre lecture un peu de l'histoire du jeu. Et en fait, aujourd'hui, vous savez, avec le Far Cry a beaucoup fait parler de lui pour son côté, enfin pour la communication de Ubisoft, qui était de dire que Ubisoft ne fait pas de jeu politique et que donc Far Cry 6 n'est pas un jeu politique. Alors que les Far Cry, ça s'inscrit généralement dans des contextes, dans des pays étrangers, il est question de dictature, de machin, et donc on... Il me semble qu'ils sont revenus là pour le prochain Far Cry, ouais. Sur cette déclaration-là, ah. En disant « Ouais, bon, c'est vrai que mettre en scène un dictateur, c'est quand même politique. » Mais il me semble qu'ils sont revenus un peu à demi-mot sur ça, mais bon. Mais encore une fois, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Dans le jeu vidéo, tout est quand même politique, mais on vous renvoie vers l'épisode de la mettre au débat qui est dédié à cette question-là. Enfin, voilà, je vais éviter de faire trop long sur Mass Effect parce que là, ça fait l'émission commence malgré tout à avoir sa petite durée conséquente, bien qu'on soit que trois au micro cette fois-ci, hein, comme quoi on peut pas s'en empêcher. Mais voilà, en tout cas, est-ce que ça vaut le coup? Si vous vous posez la question, moi, pour moi, c'est un très bon remaster, une très bonne collection, très propre. Alors, si vous avez déjà joué à Mass Effect, bon, bah, vous savez de quoi il en retourne, donc j'ai envie de vous dire. Voilà, vous savez si vous avez envie d'y rejouer ou pas aujourd'hui. Si c'est pas le cas, est-ce que c'est toujours pertinent de jouer à Mass Effect aujourd'hui? Et bah écoutez, moi je ne peux que vous y encourager. Ça reste une saga importante dans le jeu vidéo, notamment parce que c'est finalement on a assez peu de jeux vidéo dans le domaine du space opéra. Généralement, sinon c'est des 4X ou ce genre de choses. Des space opéra. J'ai pas souvenir qu'on ait de grands exemples comme ça dans le jeu vidéo. Donc voilà, Mass Effect, ça reste, c'est toujours aussi bien aujourd'hui. Okay, bah tu m'as donné envie de jeter un œil sur, enfin de me faire cette Legendary Edition, puisque moi aussi ça date Mass Effect, parce que je crois que j'étais au lycée quand c'est sorti, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc ça date un peu. Florian, alors tu avais le choix. Entre deux jeux, mais comme Highlander, il ne peut en rester qu'un. Oui, oui, je vais choisir de parler de Kingdom Hearts Melody of Memory. Très bon choix. Non, mais tu veux pas parler de Xenoblade parce que je sais qu'il y a Vincent. et que non, mais de Kingdom Hearts, ça va faire une émission. Non, non. Là, je sais, t'inquiète pas, on va contrôler l'enthousiasme. parce que Xenoblade, il y aurait pas mal à dire, et voilà, Kingdom Hearts, ce serait un petit peu plus condensé. C'est le dernier jeu en date, en tout cas sorti sur console. Mm-hmm. Puisqu'après, entre-temps, il y a eu de nouveaux jeux sur mobile et autres. Ce que propose le jeu, c'est de parcourir l'ensemble de la saga, hormis les jeux mobiles, en parcourant donc les différentes musiques. Et ça permet d'avoir un résumé global sur l'histoire de la série. Sachant que la série n'est pas terminée, elle va continuer. Mais voilà, c'est à peu près ça. Alors pour situer, moi les jeux de rythme, c'est vraiment pas des jeux auxquels je joue habituellement. Les quelques fois où j'ai essayé, comme j'ai été particulièrement mauvais, ça m'a beaucoup frustré, donc ça m'a jamais donné envie de m'y lancer. Mais là, comme c'était Kingdom Hearts, j'ai quand même donné sa chance, et j'en suis très content. Parce que c'est un jeu qui est très malin. Parce qu'en gros, la série Kingdom Hearts, ça a toujours été des actions RPG. Des jeux de rôle dans lesquels on joue pas au tour par tour, mais on fait les combats comme dans un jeu d'action, donc on appuie sur... souvent pour moquer Kingdom Hearts, on dit tu presses X to win, quoi. Voilà, t'as juste qu'à bourrer la touche croix et les combos se font tout seuls et tu dérouilles tous les ennemis. Ce qui bien sûr est faux, hein, mais bon. Et en fait, là où c'est très malin, c'est que tu sens que l'équipe de développement s'est posé la question de comment on adapte un action RPG dans un jeu de rythme. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, ce jeu-là, c'est un entre-deux. C'est pas complètement un jeu de rythme dans le sens où tu as besoin de te caler sur le rythme de la musique comme indicateur et pour pouvoir réussir à dérouler la musique. Parce que souvent, dans le jeu de rythme, quand tu te loupes, t'as des fausses notes ou la musique ne se joue plus et au bout d'un moment, ça s'arrête. Là, en fait, pas du tout. Tu as... faut imaginer une ligne d'une partition de musique en train de dérouler. Vous avez trois personnages, un trio, parce que dans les jeux, souvent, on est accompagné de trio, qui avancent vers le haut de l'écran, et ensuite, vous avez les ennemis qui arrivent à vous. Alors, soit ils sont statiques, et ils arrivent par le défilement, soit ils avancent vers vous. Et habituellement, dans les jeux de rythme, en fait, on a toujours une barre, et quand la note arrive dans cette barre-là, il faut appuyer pile au bon moment pour pouvoir valider la note. Là, en fait, dans ce jeu-là, les ennemis approchent sur vous et vous avez ce qu'on appelle le lock, en fait, le curseur qui verrouille l'ennemi, qui s'affiche automatiquement sur le premier ennemi qui arrive sur vous. Et après, vous avez un cercle qui est un extérieur qui se rapproche petit à petit du lock. Et quand les deux coïncident, tu dois appuyer à ce moment-là pour pouvoir taper l'ennemi et le battre. Et si jamais vous loupez un ennemi, ça vous fait perdre de la vie. Si vous perdez de la vie, le morceau échoue. Et finalement, le rythme de la musique, il importe peu. Alors, ils ont quand même fait en sorte que le rythme dans lequel tu tapes les ennemis, ou des fois, t'as des notes en l'air qui te demandent de voler pour pouvoir juste les récupérer, comme dans le jeu, tu peux voler aussi. Ce soit des mélodies ou des rythmes qui se superposent au morceau et qui sont plutôt en adéquation. Mais on n'a pas besoin, voilà, de coller au rythme de la musique. On peut juste se contenter de l'écouter et de taper au bon moment les monstres, ça suffit très bien. Donc ce qui fait que c'est beaucoup moins exigeant. Même si le mode expert, parce que pour chaque morceau, en fait, quand on le lance, on a le choix entre trois difficultés, novice, standard et expert. Et le mode expert te demande d'avoir deux cerveaux et quatre mains. Hein. Tellement on peut faire plusieurs choses. Mais là où c'est marrant, maintenant, c'est bien pensé. C'est que juste l'idée de dire on n'a pas cette barre unique en bas de l'écran où les touches arrivent, les notes arrivent, il faut les appuyer au bon moment. Juste de remettre en scène le lock, tout simplement, que tu as dans Kingdom Hearts pour affronter un ennemi. Souvent, tu vas le verrouiller. Au moins, toute l'action de ton personnage est orientée vers cet ennemi-là. Une fois que tu l'as battu, généralement, le lock va verrouiller un autre ennemi automatiquement, souvent celui qui est le plus proche. Le jeu remet ça en scène. La seule différence, c'est que dans Kingdom Hearts, comme c'est un jeu où tu te déplaces en 3D, c'est toi qui décides quel ennemi tu vises. Là, le jeu t'impose la succession des ennemis qu'ils ont visés, mais ils ont retranscrit l'idée du lock Autant pour trouver le bon timing, bah, t'as juste qu'à regarder l'écran extérieur qui se rapproche du curseur et quand il s'illumine, tu sais que c'est le bon moment. Mais au bout d'un moment, avec l'habitude, tous les ennemis ont une animation d'attaque. Et à un moment donné, tu peux te fier à l'animation d'attaque pour trouver le bon moment pour taper l'ennemi. Exactement comme dans un jeu comme dans Kingdom Hearts ou dans les jeux d'action où tu te fies aux animations de l'adversaire pour savoir quand est-ce que tu dois te protéger, esquiver ou attaquer. Tu retrouves la magie, alors là c'est très contextuel, t'as un cristal qui apparaît et t'appuies sur triangle au bon moment pour utiliser la magie. Donc tu retrouves les différents mouvements que tu fais habituellement dans Kingdom Hearts, tu retrouves la logique du jeu d'action mais transposée dans ce jeu de rythme. C'est assez génial. Ce qui est bien aussi, c'est que bah, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas accoutumé des jeux de rythme, le jeu est très très accessible. Le niveau standard est vraiment facile. C'est-à-dire le niveau novice est très facile, le niveau standard est plutôt facile, le niveau expert c'est vraiment un cap de difficulté. Mais vous pouvez déjà faire deux difficultés sans trop peiner. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque morceau, tu as trois objectifs à remplir. T'as certains objectifs, on te les impose dans un mode difficulté. C'est souvent standard ou expert. Mais la plupart des objectifs, tu les fais dans n'importe quel mode de difficulté. Donc, ce qui fait que tu peux optimiser, si jamais tu veux faire tous les objectifs, tu peux les optimiser. Parce que des fois, on va te demander de tuer 150 ennemis au sol. Bon, bah, si tu fais le jeu en mode novice, comme le morceau est un peu plus lent et le nombre d'ennemis est moins fréquent, ça va te prendre plus de temps. Par contre, si tu as le niveau de le faire en mode expert, peut-être qu'en deux fois, tu remplis l'objectif parce que tu as beaucoup plus d'ennemis. Et si en plus, tu les loupes pas. Donc après, tu peux gérer à la volée n'importe quand ta difficulté. Le jeu ne demande pas de remplir tous les objectifs pour pouvoir débloquer les niveaux suivants. Alors, généralement, tu fais les deux premiers à chaque fois et c'est suffisant pour pouvoir avancer. Et après, bah, comme le score, comme tu es noté pour tout ce que tu fais est important dans ce jeu-là, c'est à toi après de te fixer tes propres objectifs. Est-ce que tu veux avoir le rang maximum sur tous les morceaux? Enfin voilà, ça appartient. Ce qui est sympa, c'est que tu as un côté un peu musée où tu débloques des artworks, plein de choses comme ça par rapport au jeu qui sont bien sympas. Tu as aussi un lecteur de musique. Tous les morceaux que tu joues, tu les débloques, tu peux les écouter à côté de ça. Et du coup, c'est un jeu qui a l'air de s'adresser plus à aux personnes qui aiment Kingdom Hearts. Alors, c'est une question que je me pose. Je sais pas quel intérêt aurait une personne qui ne connaît pas la série. Parce que le gros problème, c'est que si jamais tu regardes les cinématiques, en fait, on te résume les grandes lignes de toute la saga. Et découvrir l'histoire et l'univers de Kingdom Hearts, ça fait partie du plaisir des jeux. Après, si jamais, voilà, te faire divulgâcher une œuvre te dérange pas et ça peut être un bon moyen de découvrir la saga en général, de voir à peu près ce qu'on te raconte, et ça peut peut-être donner envie de l'explorer de fond en comble. Ouais. Mais c'est vrai que il y a ce côté un peu boîte à jouer qui parle bien aux personnes qui connaissent la saga, sachant que à la fin, le dernier monde, c'est un monde non pas qu'il soit inédit, parce qu'on l'a déjà vu dans le 3, par contre, ce qui est raconté est inédit. Mmh. Et ça lance la suite. Donc, si t'es fan de la série, t'as toujours... De toute façon, ça reste admirable pour l'instant dans la série Kingdom Hearts, c'est que même les jeux spin-off, c'est des jeux qui sont bien faits. Et t'as toujours un minimum d'histoire qui continue. C'est jamais purement opportuniste. Il y a de l'opportunisme, hein, des fois, dans les spin-off, mais il y a quand même ce souci de faire un bon jeu. Et Melody of Memories est vraiment un bon jeu accessible à tous. Moi, j'en avais peur, hein, quand il l'avait annoncé, je me suis dit, ah merde, je suis tellement mauvais que je pourrais jamais le faire. Et en fait, si, vraiment, même si vous y jouez jamais au jeu de rythme, il est largement faisable et terminable. Mmh. Ne serait-ce que le terminer. Après, maximiser les scores, là, ça demande de la patience et de l'entraînement, mais juste le terminer, c'est accessible à tout le monde. Et Vincent, tu voulais rajouter quelque chose, je crois ? Ouais, en fait, la question du public auquel ce jeu s'adresse, je pense que si tu n'es pas fan de la licence Kingdom Hearts, il y a deux cas de figure. Soit tu es un joueur de jeu de rythme, et du coup, je pense que ce jeu-là ne sera pas fait pour toi parce que tu dois être plus exigeant que ça. Soit tu n'es pas forcément un joueur de jeu de rythme, mais c'est un genre qui peut t'intéresser, etc. Et du coup, tu peux prendre du plaisir sur ce jeu parce que voilà, il est quand même, il est plus accessible que bien d'autres. Et puis, ouais. Si t'es fan de la licence, bon, bah, c'est un indispensable, hein, comme tous les jeux Kingdom Hearts. Ce que tu as dit sur les mécaniques de jeu, c'est tout à fait vrai. C'est incroyable de comment dire. Ils ont effectivement travaillé à faire en sorte que l'expérience Kingdom Hearts que tu as dans tous les autres jeux de la licence qui sont des actions RPG se ressente à travers ce jeu de rythme. Donc tu retrouves toutes les mécaniques de base. C'est un jeu dans lequel tu peux sauter, dans lequel tu peux planer, dans lequel tu peux attaquer, dans lequel tu peux lancer des sorts. Et puis, d'ailleurs, ce qu'il y a de très particulier pour ce jeu de rythme-là, c'est que c'est un jeu de rythme en 3D. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qui déboussole un petit peu quand tu prends le jeu en main au début. C'est vrai que les premières parties là-dessus sont un petit peu... les jeux de rythme, ça a toujours ce, comment dire, cette courbe de progression qui fait qu'on est toujours plus nul au début qu'après quelques heures. Bon, c'est la courbe de progression habituelle dans tous les jeux, mais c'est particulièrement le cas dans les jeux de rythme. Là, le fait que ce soit un jeu de rythme en 3D, ça rajoute encore un peu de difficulté au début, mais vraiment, quand même, on prend le jeu en main finalement assez vite. Et t'as même des combats de boss. Mais oui. Ils ont réussi à mettre en scène les combats de boss. Avec aujourd'hui, la présentation est différente. Ce qu'on te demande d'y faire est légèrement, c'est une variante de ce que tu fais classiquement, mais tu retrouves les combats de boss. Le seul truc qui est dommage, c'est que tu n'as pas le temps à la fois de te concentrer sur les notes que tu dois appuyer au bon moment et regarder l'affrontement. C'est impossible. Cela dit, tu peux lancer, une fois que tu as terminé le niveau, ou même avant de l'avoir terminé d'ailleurs, une fois que tu y accèdes, tu peux lancer le mode auto, et donc ça te permet de profiter de la musique et de l'action sans avoir à jouer les notes. Ça te fait pas gagner de points, mais... C'est ça, tu as ça. Après, si jamais tu as déjà parcouru les jeux, tu connais ces affrontements-là, c'est pas très grave. Mais ouais, ils ont même réussi à mettre en scène les combats de boss dans ce jeu. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, je me répète, mais il est très malin. Ouais. Il est très très malin, ce jeu, et voilà. Et oui, et dernier truc, ce qui est bien, c'est que comme tu fais que parcourir des musiques, d'ailleurs tu les parcours pas en entier, les musiques, elles sont un peu plus courtes que ce que t'as dans le jeu, c'est très modulable, ton expérience du jeu, alors que ce soit en nomade ou même en docké. Je veux dire, en 10 minutes de jeu, tu peux faire 2-3 morceaux, tu peux t'arrêter là et le reprendre le lendemain, enfin il y a aucun souci avec ça. Ça, c'est un avantage aussi, je trouve, cette expérience modulable très facilement. Donc voilà. À voir si le jeu fait des émules en inspirant d'autres personnes pour faire des jeux qui mélangent aussi bien RPG et musique. Oui, Vincent. J'ai une dernière précision. C'est un jeu qui s'inspire énormément de la saga de jeux de rythme Fever Rhythm Final Fantasy qui était sorti sur 3DS. À ceci près que du coup la vraie particularité, c'est que là on est en 3D. Mais pourquoi ça ne s'appelle pas Fever Rhythm Kingdom Hearts, qui aurait pu du coup devenir une véritable licence chez Square Enix? Fever Rhythm, ils ont aussi un jeu de rythme Dragon Quest qui, j'imagine, s'appelle Fever Rhythm Dragon Quest, j'en suis pas certain. Mais en fait, là non, ça s'appelle Kingdom Hearts, donc vraiment le premier nom c'est Kingdom Hearts, et ensuite c'est le sous-titre Melody of Memories, parce que, en fait, ça y est, mais là, si on en doutait encore, non, il faut se dire que chaque jeu Kingdom Hearts est canon, et sera toujours canon. Il n'y aura pas un jeu Kingdom Hearts qui sortira, qui sera un jeu dérivé, qui n'a pas d'impact sur la trame principale de la série, en fait. C'est qui fou. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Donc ouais, bon petit jeu. Alors j'y ai joué sur Switch. Il me semble qu'il est sorti sur PS4, ouais. Si je dis pas de bêtises. Très jouable. Je sais pas s'il est sorti sur PC par contre. S'il est sorti sur PC, avec tous les jeux sont sortis sur Epic. Ouais. Bon ben voilà, il est disponible partout. Non ouais, j'en ai terminé. Eh bien voilà, une chaude recommandation pour les fans de Kingdom Hearts, du coup, ce Melody of Memories. Alors, moi je vais vous parler d'un jeu que j'ai déjà abordé sur Causons Pixel, à travers la vidéo donc de Shoji Meguro et Persona 5, la musique qui vole votre cœur. Le lien est aussi dans la description, c'est donc Persona 5. Mais je veux l'aborder sur un point précis, celui de la consommation du jeu vidéo, donc en référence à un précédent DLMAD. D'ailleurs, il va falloir qu'on en refasse un dessus, un de ces quatre, pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est une petite idée jetée à la volée, comme ça. Et donc, ça fera le lien avec... Ça, donc, ça fera une sorte de lien. Persona 5, alors le jeu en lui-même est un jeu qui se veut très visual novel, c'est-à-dire qu'on va... passer une bonne partie du jeu, vous allez passer votre temps à beaucoup lire. Voilà. Y a assez peu de cinématiques traditionnelles, elles sont très très bien faites, mais la plupart des mises en scène sera sur une mise en scène très simple, Et peut-être que pendant une heure, vous allez passer votre temps à lire des textes en anglais ou en japonais pour la version normale de Persona 5. Et je crois qu'il y a une traduction française pour l'édition royale. Ouais. Sur l'édition royale. D'ailleurs, donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas choisir les sous-titres anglais sur la version royale. C'est vraiment, il n'y a que les sous-titres français. Ah, c'est dommage. Ouais. Oui, effectivement. Et bref, d'ailleurs, entre parenthèses, les sous-titres anglais, je ne sais pas si c'est le cas pour aussi la version royale, mais les sous-titres anglais de la version normale de Persona 5 ont traduit littéralement le texte, c'est-à-dire que les formules de politesse, ils les ont traduites aussi, ils n'ont pas fait fi de ces petits mots-là qu'on utilise en japonais. Je trouve ça très bien parce que ça accentue la projection dans cet univers-là que nous propose Persona 5, puisque c'est le Japon, c'est Tokyo. Donc, et c'est le quotidien d'étudiants. Bref. Donc, on passe notre temps à beaucoup lire. De plus, on sauvegarde sur des endroits qui sont précis et on ne peut pas faire de sauvegarde pendant les dialogues. C'est-à-dire qu'une phase de dialogue pourra durer entre 45 minutes et une heure, voire vers la fin du jeu, il me semble qu'il y a une phase de dialogue qui dure pas loin de 2 heures. Du moins, enfin, j'ai pas pu sauvegarder pendant 2 heures. Ne pas sauvegarder en fait pendant ces phases-là, c'est dommage parce que quand on a des choses à faire, on aimerait quitter la phase de dialogue en ayant une sauvegarde et en la reprenant plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu se prêterait beaucoup à la Switch en mettant en veille le jeu à ce moment-là et comme ça on retourne à nos affaires. Le monde entier l'attend sur Switch, hein, je te rassure. Voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez aussi mettre vos jeux en veille sur PS4, par exemple, j'imagine sur PS5 aussi. La fonction mettre en veille de la console, on peut aussi la déclencher quand on est sur un jeu, et quand on rallume la console, on est là où on s'était arrêté. L'avantage de la Switch, c'est que tu la mets en veille, tu la poses, pendant 3 jours, tu peux l'abandonner parce que t'as pas le temps de jouer, ou parce que tu vas à tes endroits vaquer à tes occupations, et ensuite tu la rallumes. Là où la Play, ça me semble un peu plus compliqué. Par exemple, la Switch, le fait que ça soit portable, bah, t'es dans le train, t'as 45 minutes de train, bah, tu dis, bah, je vais passer mon train à lire mes phases de dialogue, je la coupe et tac, et je vais faire ça. En fait, la Switch, tu la sors plus facilement. Ouais. Oui. Parce qu'en même temps, c'est une console portable. C'est ça que je voulais dire, mais merci d'avoir soulevé cette problématique-là. Donc, ce qui fait que Persona 5 est un jeu qui, si vous jouez par petites sessions, c'est un jeu en fait qui doit s'anticiper. C'est-à-dire, par petite session, vous allez jouer par grosse session généralement à Persona à cause de ces phases de dialogue-là. Donc il va falloir anticiper réellement votre temps de jeu. C'est-à-dire, vous allez dire, bon, bah là j'ai 1h30, est-ce que ça vaut le coup de jouer à Persona 5 en sachant que je vais peut-être m'avoir une phase de dialogue d'une heure ? Je sais pas. Mais au demeurant, ça reste remarquable à lire. Par contre, les phases de dialogue de Persona, c'est extrêmement bien écrit et ça fera sûrement l'objet d'un épisode de Causons Pixel, parce que le jeu traite de divers problèmes de la société nippone, hein, ça a été soulevé normalement par la presse, ça parle du harcèlement sexuel, ça parle des hommes politiques aussi, et ce sont des choses que l'on peut aisément reproduire à notre société. Mais bon, ça fera l'objet sûrement d'un DLMAD si ces messieurs en sont partants, soit d'un épisode de Causons Pixel à part entière. Mais bref, c'est un jeu qui demande du temps et l'acceptation de son rythme. Il est long, les palaces sont parfois un peu trop longs. Il y a toujours, je trouve, une zone qui a été rajoutée et qui rend le palace un peu lourd, même si dans son entièreté, le jeu est excellent. Et l'acceptation du rythme du jeu, l'acceptation de sa longueur, l'acceptation de ne pas pouvoir sauvegarder à certains moments, à mon sens, ça fait aussi... Donc, il faut accepter d'être conduit et souvent accepter de ne pas avoir de choix. Accepter, en fait, d'être dans la longueur. Et aussi accepter de ne pas voir d'autres jeux pendant longtemps. C'est un jeu qui est tellement long, il fait 90 heures, et qui dirige tellement le joueur, ça fait partie de son plaisir, hein. C'est pas parce qu'on est dirigé que forcément on va passer un mauvais moment, bien au contraire. Alors dans le cas de Persona 5, bien au contraire. Mais c'est un jeu dans lequel on va se dire, bah, je vais passer à côté de beaucoup de jeux, et je souhaite m'engager jusqu'à la fin de ce jeu-là. Et c'est un jeu que je ne pourrais pas rusher. Enfin, je sais pas vous, messieurs, quand vous l'avez fait, mais à aucun moment je me suis dit je vais pouvoir rusher le jeu à ce niveau-là, non, parce qu'il a son rythme. En tout cas, quand tu le découvres, ça c'est clair. Voilà. Parce qu'en plus, si tu veux... Alors, si t'optimises, il faut que tu le fasses avec un guide, tu peux tout faire dans une run, c'est-à-dire développer toutes les relations, développer toutes tes les compétences de ton personnage, avoir... Ouais, tu peux pas avoir toutes les personas, mais tu peux faire beaucoup de choses dans une run, mais ça te demande vraiment de suivre un guide pour que chaque jour soit optimisé. Mais quand tu le fais pour le découvrir, tu perds du temps, tu fais des erreurs, et en fait, le jeu t'incite à le reparcourir, et quand tu le reparcours, tu vas arriver à optimiser, à gagner un peu de temps. Mais par exemple, les palaces, quand tu sais bien t'y prendre, t'y vas un jour, et en un jour, tu le termines. Moi, c'était mon cas, par exemple, quand je les faisais, ça me prenait qu'un jour. Et après, j'avais tout le reste pour le reste. Tu veux dire qu'en un jour, tu arrives à la salle au trésor, mais tu as toujours au moins 3 jours obligatoires pour le faire. Mais oui, mais je veux dire, en fait, une session du palace, je l'ai terminée. Ouais. Du coup, j'avais tout le reste pour faire les relations sociales. Et après, tu as toujours la deadline où tu atteins le cœur, tu prends la carte, tu la donnes, et après, tu enclenches le combat contre le boss. Ouais, mais, ouais. Bah, je fais ça aussi. Ouais. Voilà, après, en étant malin, en optimisant, oui, tu peux gagner du temps, mais... Ce que tu ne peux pas accélérer, c'est que tu suis le calendrier et le rythme de la succession du calendrier est imposé par le jeu. Ça, par contre... Peut-être qu'on est un peu fou quand on parle. Quand on parle de palace, en fait, ce sont les niveaux où il va y avoir, en plus des mementos, voilà, on va les mettre dans le même paquet, où l'on va en fait explorer le cœur des gens parce que c'est là où on y est. Ce sont les niveaux où il y a toutes les phases de combat, ce sont les niveaux où on va pouvoir bouger dans l'univers, ouais. Et enfin bref. En fait, tu rentres dans leur esprit, voilà. Et tu explores, on va dire, tout le côté obscur de la personnalité de la personne, et l'idée, c'est d'arriver à les changer, à les faire changer, en tout cas, de l'intérieur. Et pourquoi le jeu est dirigiste? C'est parce qu'il cherche à nous ancrer dans le quotidien d'un étudiant. Bon, dans le cas de Persona 5, un étudiant dans une situation très particulière. Donc, on vit au jour le jour. Et donc, des fois, quand il est tard, on nous dit « bah, faut aller se coucher, sinon tu vas être fatigué le lendemain. » Et avec tout ça, en fait, le jeu ne laisse pas le joueur libre par rapport, ou si on cherche à faire une comparaison, avec le jeu Bully Scholarship Edition. Où dedans, on peut faire péter les cours, on est un étudiant qui peut aller frapper tout le monde, si on n'a pas envie d'aller en cours, on n'y va pas, on fait un peu ce qu'on veut. Là où Persona 5 nous dit non, tu vas aller en cours, tu vas répondre aux questions, et ensuite tu vas pouvoir, si tu as le temps, développer la relation avec tes personnages, etc., etc. Donc le jeu nous prend par la main et nous impose son rythme. Du coup, l'imposition de son rythme et sa longueur nécessite de faire abstraction de pas mal de choses à ce moment-là. Et donc, je voulais revenir, par exemple, aux gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de terminer leur jeu pour diverses raisons. Je l'entends tout à fait. Mais dire « j'ai pas terminé le jeu, mais c'est bon, j'ai fait le tour », en fait, c'est là où ça bloque chez Persona. Parce que, et d'autres jeux, évidemment, mais on prend Persona là, parce que quand vous arrivez vers la fin de Persona, vous avez un retournement de situation scénaristique qui va changer votre façon de voir le jeu. Et d'accomplir les quêtes, en tout cas, moi, c'est mon cas. On en a parlé en off, Florian, quand on arrive vers la fin, où moi, j'ai été choqué par ce retournement-là. Eh bien, ça a changé ma façon de revoir le jeu et de... Alors, les palaces restent plus ou moins les mêmes, mais ma façon d'explorer les palaces, ça a changé quelque chose. Ma façon de voir les personnages et de voir mon propre personnage. Et de voir ces liens d'amitié aussi qui se sont concrétisés sur cette fin de jeu-là. Et si vous n'arrivez pas au bout de Persona, en fait, vous n'avez pas tout ça. Enfin, au-delà du combat entre ceux qui sont pour le scénario et ceux qui sont pour la jouabilité du jeu, le petit combat, etc. En fait, vous loupez énormément du jeu, et non, vous n'avez pas fait le tour de Persona. Mais c'est pareil pour Persona 4. Hein. Persona 4, qui est beaucoup plus dans le ton de l'enquête, c'est une enquête que tu vas tisser sur le long terme. Et si tu n'arrives pas à la dernière partie du jeu, tu n'as pas vécu l'enquête que tu mènes durant tout le jeu. Donc tu passes à côté de l'expérience de Persona 4, si jamais tu ne le poursuis pas. Et de ces subtilités relationnelles aussi, parce que ça fait partie quand même du gameplay. Donc oublier les relations entre les personnages que tu peux jouer, que tu peux lire aussi, dedans, c'est quand même passer à côté d'énormément de choses de Persona, parce que développer une relation avec un personnage là, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que tu as choisi de ne pas faire certaines activités du jeu, pour développer ce personnage-là, et ça veut dire beaucoup dans ton jeu, et en même temps, ça te permet de te projeter plus, c'est-à-dire j'ai fait fi de ces personnages-là pour aller parler à lui, et savoir sa personnalité. Et c'est quelque chose de fort, et quand tu arrives au bout de ça, donc non seulement ça te débloque quelque chose dans le jeu, mais en même temps, tu vois toute la relation, et surtout la romance, quand tu la développes, franchement, c'est assez drôle. J'ai trouvé ça touchant. Touchant. Mm. Et bref, Persona, c'est un jeu qui nécessite sûrement de faire abstraction à beaucoup de choses. Il va falloir s'engager dedans. Allez-y, foncez. Mais attendez-vous aussi à accepter d'être dirigé. À accepter de ne pas pouvoir faire beaucoup de choses, comme dans votre quotidien, finalement. Vous ne pouvez pas tout faire. Persona, comme c'est du quotidien, son parti pris, c'est de dire, bah, tu ne vas pas tout faire. Mm. Voilà. Et c'est en ça que le jeu fonctionne. Et donc, c'est en ça aussi où il faut revoir notre consommation du jeu vidéo. Parce que si on fait le jeu vidéo de façon boulimique, comme on l'a dit, je ne développe pas plus, allez voir cette émission-là, eh bien, forcément, vous allez passer à côté de sacrés moments de jeu, notamment Persona. Vous allez aussi passer à côté de ces musiques qui sont grandioses, quand même, avec Shoji Miku. Mais pour conclure sur cette durée du jeu vidéo, sur cette façon de dire bah, « il y a trop de jeux qui sortent, donc je ne les fais pas en entier », c'est un peu comme dire « bah écoute, il y a trop de films qui sortent, je regarde que 10 minutes ». Ça me paraît assez étrange de dire ça. Ça paraît impensable de dire ça à un film. J'ai regardé Inception, les 10 premières minutes, et je suis parti parce que j'ai vu le style de Christopher Nolan, et voilà. Mais non, mais tu as oublié toute la relation entre les personnages, que la fin du film, enfin, elle est importante. C'est important, une fin, normalement, dans un scénario, autant que le style du réalisateur. C'est aussi important de regarder Justice League, la première heure, que pour son scénario, que pour son style qui est susceptible d'évoluer ou de vous montrer certaines choses. Ouais, moi, tiens, j'aurais fait plus la comparaison avec la musique. Tu écoutes les 2-3 morceaux qui sont le plus écoutés d'un nouvel album et tu passes à un autre album, tu vois. Parce que dans un film, si jamais tu regardes, comme tu dis, Justice League ou Inception, tu regardes la première heure et tu t'arrêtes, t'as quand même le sentiment de te dire j'ai abandonné l'œuvre, ouais. Même si tu t'en fous, enfin tu sais que tu l'as abandonné. Et Persona, si jamais tu l'arrêtes entre temps, tu sais que tu l'as abandonné. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu dis voilà, il faut être prêt à mettre 90 voire une centaine d'heures, mais c'est pas bien différent d'un jeu de rôle au modèle occidental. Tu prends Skyrim par exemple, si jamais tu vas en faire le tour. Et en faire le tour, ça veut pas dire tout faire à 100%, hein, faire toutes les quêtes secondaires, mais faire la quête principale, faire la majorité des quêtes secondaires, ça te demande de mettre, d'y mettre 100 heures, à peu près. Mais la différence, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu contrôles beaucoup plus ton temps de jeu dans ce qu'on appelle les RPG occidentaux, c'est-à-dire comme Skyrim, là, l'exemple que je viens de prendre, que dans Persona, qui va beaucoup plus te diriger. Oui, mais c'est là où j'allais en venir. C'est que, comme tu dis, c'est-à-dire que Persona, ce qu'on appelle le tuto, on va t'expliquer les mécaniques de jeu. T'as quand même un gros tunnel au début du jeu, mais jusqu'à quasiment la fin du jeu, on continue à t'apprendre des nouvelles choses. Récemment, j'ai fait Xenoblade. Littéralement, à la fin du jeu, on te présente une nouvelle mécanique. Le jeu n'a de cesse que de rajouter des choses, alors que dans Skyrim, tu fais tout le premier événement, l'attaque du dragon, tu t'échappes, tu choisis ton camp, tu sais déjà te battre, t'avances un petit peu, mais genre tu fais 2 heures de jeu, tu débloques le premier cri de dragon, et t'as déjà la quasi totalité du gameplay de Skyrim. La seule chose que tu fais, c'est de développer ton personnage, et la seule chose que tu fais, c'est je suis l'histoire principale qui se boucle à une dizaine d'heures, et tu fais les quêtes secondaires, mais ça reste des îlots que tu vas aller chercher, que tu parcours et c'est terminé. Donc tu peux lâcher Skyrim en cours de route sans avoir le sentiment de l'abandonner, puisque t'as déjà vu beaucoup très tôt. On t'a déjà tout donné au début, et après c'est juste explorer l'environnement, explorer des intrigues ou autre. Alors que un jeu comme Persona, mais comme la vision plutôt japonaise du jeu de rôle, on rajoute constamment des choses, et en plus, comme tu dis, il y a des retournements de situation. Donc je pense que abandonner Persona, c'est comme abandonner un film. Par contre, abandonner Skyrim, c'est comme voilà, ne pas écouter un album en entier. C'est pas grave, si t'as écouté 2-3 morceaux, bah, tu peux déjà te faire une idée globale de l'artiste et tu peux passer à autre chose. Même si tu as peut-être loupé un basculement en plein milieu de l'album où tu vas louper le. Par exemple, on n'aime pas. Comment il s'appelle ce groupe américain, là, de metal, florentin Avenged Sevenfold. Ah oui, Eh ben, alors, je sais pas si c'est le dernier album en date ou l'avant-dernier, celui où tu as une sorte de. La jaquette, c'est le cosmos et tu as une sorte de tête de mort. Le dernier morceau de cet album est dingue. C'est une espèce de morceau progressif, tu vois, qui dure 10 minutes et il est génial. Sauf que si tu écoutes et que tu t'arrêtes aux morceaux commerciaux, tu n'as pas accès à ce morceau-là, tu vois. Et pourtant, tu as plus ou moins une idée générale de l'album quand même. Enfin voilà, je mettrai cette nuance-là. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Je m'oppose pas à toi, mais. Quand on dit, ouais, bon, c'est bon, personnage, j'ai fait 10 heures ou 5 heures, j'ai fait le tour du jeu. Ça me paraît étrange parce que je parle plutôt en connaissance de cause parce qu'en fait, au début, quand j'avais acheté Persona, j'avais abandonné le jeu. Voilà, j'adhérais pas au truc du visual novel, je faisais, c'est chiant, je peux pas faire ce que je veux et tout. Et ensuite, quelques temps plus tard, je lui ai redonné une chance en me disant, bah en fait, finalement, je suis peut-être passé à côté de quelque chose parce qu'il me semble quand même que, voilà, enfin, j'avais senti que j'étais passé à côté de quelque chose et c'est en donnant cette autre chance au jeu que j'ai fait, mais je suis passé à côté de tellement de trucs, c'est pas possible. Finalement, j'ai pas fait le tour du jeu. Les palaces me semblent toujours un peu redondants arriver vers la fin, mais par contre, ces relations entre les personnages là et avoir cette contrainte de temps dans le jeu, de dire bah Morgana qui te dit bah faut que t'ailles te coucher, bah oui bah je vais me coucher parce que sinon demain je vais être fatigué, donc voilà, et de dire bah tiens. Yes, j'ai peut-être une après-midi, bah, je vais la passer avec Takamaki, voilà, comme ça, avec Anne, parce que j'ai envie de découvrir son histoire. Et donc, non, je n'avais pas fait le tour du jeu, et les ennemis qu'il y a dans les différents palaces, à chaque fois, c'est il faut que je redécouvre sa faiblesse, je vais la découvrir, donc je vais changer mon équipe, etc., etc. Après, cela dit, pour moi, c'est l'analogie que vous avez faite avec la musique, la musique et le cinéma, pour moi quand même c'est plus proche, ça serait plus valable avec une série télé où on est d'accord que en fait si tu t'arrêtes sur Persona au bout de 5 heures, c'est comme si t'arrêtais une série après les deux premiers épisodes. Ouais, c'est généralement une série, ça, c'est rare que ça prenne son envol aux deux premiers épisodes, généralement c'est encore de la mise en place à ce stade-là, comme la plupart des RPG sur les premières heures de jeu. C'est du tutoriel les premières heures de jeu, c'est très long mais c'est du tutoriel dans les RPG. Par contre, une fois que t'as terminé une première saison d'une série, bah ouais, je peux comprendre que voilà, t'as quand même eu une bonne idée de ce que la série avait à te proposer. Si t'as pas envie de continuer, je comprends. Persona, si une fois que t'as 15 heures de jeu, même si effectivement tu continues d'apprendre des nouvelles mécaniques, etc. Mais si au bout de 15-20 heures de jeu ça t'a pas plu, bon bah là, c'est, je pense que c'est inutile d'insister, il y aura rien qui te fera. Il y aura pas un coup de théâtre en termes de mécanique de jeu qui fera que tout d'un coup tu vas te mettre à apprécier le truc, quoi. Alors c'est justement là que tu te trompes, Kaiba. C'est parce que quand j'ai redonné la chance à Persona, c'est j'avais passé plus d'une quinzaine d'heures de jeu sur Persona. En fait, j'avais ce truc-là, et ensuite je lui ai redonné sa chance. D'accord. Et c'est là où, en fait, le principe du visual novel, eh bien je me suis dit, bah oui, si, c'est cohérent en fait avec tout ce que veut dire le jeu, tout ce qu'il veut parler, et toute son intention. Et c'est là où vraiment le jeu a explosé pour moi. Je fais, d'accord, ok. Je me suis complètement trompé. Est-ce que c'est un spoil maintenant, si tu nous dis à quoi tu fais référence ou... Non, en fait, c'est pas un événement en particulier. C'est ça le truc, c'est que plus je jouais dans le jeu, et à partir du moment où je me suis dit, c'est l'intention de l'auteur. Voilà. Donc maintenant, je vais accepter cette intention-là, parce que sinon, ça sert à rien. Et je veux voir pourquoi je suis passé à côté de quelque chose. Et en fait, c'est petit à petit. C'est en prêtant plus attention au dialogue et au non-dit des personnages, et à ces personnages qui soudainement te révèlent quelque chose, et tu dis, tiens, je suis dans la société japonaise pour qu'il parle aussi franchement, c'est qu'il a dû surpasser quelque chose. Et en développement, la romance, quand je l'ai développée, j'étais déjà acquis à la cause de Persona, mais même quand je l'ai développée, cette romance-là, je l'ai trouvée touchante. C'est la qualité d'écriture qui m'a ensuite fait remettre en perspective les personnages, même quand je les prenais dans mon équipe, les personnages que je ne prenais pas forcément souvent. Bah, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de le changer, j'ai envie de le revoir, et ensuite développer quelque chose. Voilà. D'accord. Et le sacrifice de temps que tu fais à te dire, je ne vais pas aller là, mais plutôt là, et à faire telle ou telle chose, tu le comprends bien mieux, en fait. Tu dis, ah, c'est triste, donc je vais réserver, admettons, la semaine suivante pour ce personnage-là, si on se débrouille comme ça, ou tel jour, etc. Et dans la planification aussi de ton jeu. Du coup, pour conclure, parce que sinon, je vais y passer 1000 ans, dans la consommation du jeu, Persona, c'est pas un jeu qu'on peut consommer de façon boulimique, à mon sens. Au contraire, c'est un jeu qui se savoure. C'est un jeu qui s'anticipe. C'est un jeu sur lequel on doit accepter de ne pas pouvoir tout faire, là où les mondes ouverts actuels tendent à vouloir laisser aux joueurs la possibilité de tout faire, au détriment souvent de beaucoup de choses. Eh bien, Persona... Oula, j'ai ma voix qui est partie en mode « Persona !» Je vous ai compris. Persona, en fait, c'est le jeu qui dit aux joueurs « Non, tu vas pas tout faire, mon univers n'est pas hyper grand, tu vas faire ci, tu vas faire ça, de temps en temps, je vais te laisser le choix. » Et je trouve ça très bien pour la fluidité du jeu et pour aussi remettre en perspective par rapport à notre consommation du jeu vidéo de base. Donc de se dire, comme dans le jeu, on sacrifie certaines choses pour avancer, dans la réalité, jouer à Persona, c'est aussi se dire je décide de faire fi de d'autres choses pour me consacrer à ce jeu-là et savoir ce qu'il veut me dire dans la durée, réellement. Comme je suis un film qui est un peu long au début, eh bien peut-être qu'à la fin, j'aurai une certaine découverte. Et donc voilà. Mmh. Après, oui, on peut très bien lâcher un jeu pour diverses raisons. Je ne cherche pas à porter la pierre, Je ne cherche pas à jeter la pierre, bien au contraire, mais juste peut-être soulever cette problématique-là du « on peut aller jusqu'au bout d'un jeu et voir ce qu'il en est ». Et en tout cas, pour Persona 5, c'est génial. Voilà. En plus, il y a de l'acide jazz, donc que demande le peuple ? Bah écoute, oui. Enfin, si, ce que demande le peuple, c'est PC Incroyable sur Switch. Ça, le peuple demande. Tu sais qu'Atlus avait mis à disposition une sorte d'enquête pour savoir un peu ce qu'on voulait pour la suite. J'avais mis un point d'honneur pour que tout ce qu'ils voulaient sortir sorte sur Switch. Voilà. Et visiblement, je n'ai pas été entièrement entendu puisque PC Incroyable n'est pas encore sorti. Mais bon. Ils le savent que les gens le veulent sur Switch après avoir. Peut-être dans quelques années, on aura Persona 5 double royal sur Switch. Bien, merci à vous, messieurs, pour cette émission qui est très courte, qui ne fait absolument pas 3 heures, voire plus, j'ai pas calculé. Merci à vous qui nous écoutez aussi, si vous avez tenu pendant ces 3 heures d'émission. En sachant que De la manette au débat est disponible sur YouTube, mais aussi sur Google Podcast et sur PodCloud et Podcast et Pod. J'arrive jamais à dire ce. Podcast Addict. Merci Vincent sur Podcast Addict. C'est aussi disponible sur le site de Causons Pixel que vous pouvez retrouver en lien dans la description ou en tapant tout simplement Causons Pixel sur les internets. Encore une fois, merci à vous messieurs. Merci à toi d'avoir animé cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve prochainement et merci à vous. Et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Ciao. Et restez critiques envers le pixel. Il ne faut pas oublier quand même. Déconnons pas. Non mais sans blague. Merde. A dit un jour Coluche.